Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Que savons-nous de l'Arménie et des Arméniens ? Alors que, depuis longtemps, la France abrite une part importante de la diaspora arménienne, que connaissons-nous ici de l'Arménie ? De son histoire et de sa géographie, de sa langue et de sa culture. Il faut bien le reconnaître, l'Arménie, que son histoire tragique du XXe siècle n'aura pas suffi à nous rendre proches, nous apparaît trop souvent comme un pays émergeant d'un passé obscur. Entendre ou réentendre la plongée dans la légende arménienne que proposaient en 1971 les samedis de France Culture est une excellente invitation à découvrir un pays et un peuple qui ont depuis connu encore bien des tourments, mais surtout retrouvé l'indépendance à laquelle ils n'ont jamais cessé d'être attachés. L'Arménie, ses pierres et sa foi, ses poètes et ses églises, ses enluminures et sa musique, dans la légende arménienne, par Eve Grilikez, Ruben Malik et Michel Rotislav Hoffman, et des extraits notamment des œuvres de Grégoire de Narek, d'Alexandre Shirvanzadeh et de Daniel Varoudjan. La légende arménienne au coin de la misère, sur le disque cassé des nuits occidentales. Dans les chambres d'hôtel aux murs de cathédrales, la légende arménienne a bercé la lumière. La légende arménienne aux lèvres de la mer, aux rêves de l'enfant dans les villes sans rue, dans les mains sans travail, dans les bouches vaincues. La légende arménienne enterre sa misère. C'est la légende aux 3000 ans des émigrés, chambres d'hôtel, pavés de bois, et les vieux ports, et les carreaux du ciel sur les fronts séparés. Chambre d'hôtel des Arméniens et passeport. La légende arménienne au pas des capitales, au doigt de la danseuse au village oublié, sur les cordes du tar au village oublié. La légende arménienne au pas des capitales, pleine de l'Orient et les noms familiers. Les miroirs du temps sur les portes en croix, dans les rires, les pleurs, les livres, les cahiers. C'est la légende à la page 1 ou à la 3. C'est la même légende au fond des ressemblances, des 3000 ans, des 3 millions, de l'une ou l'autre, dans l'une ou l'autre nuit au fond des espérances. La légende arménienne est la nôtre et la vôtre. La légende arménienne au mur de cathédrale, dans la seule montagne, enterre sa misère. La légende arménienne a le point de lumière et donne le soleil au plan d'hydrocentrale. Autant jadis, et surtout à l'époque actuelle, il s'est produit en Arménie des miracles tels que leur simple description ressemble à un chant. Qu'est-ce que la patrie ? C'est le peuple et son histoire, c'est la terre, l'eau, les rochers, les usines, nos livres et nos chants. Je suis du pays où, à travers les siècles, le cor a sonné dans la nuit la venue de l'aurore. Du pays qui connut des malheurs infinis sans éteindre le flambeau de la foi. Les siècles ont passé et filé sur cette terre, lui laissant chacun une blessure, traçant un sillon sur le front et dans le cœur de son peuple. Ces siècles sont restés dans les inscriptions cunéiformes, dans les monuments en ruine, dans les forteresses imprenables. Chaque siècle n'a pas seulement laissé des ruines et des blessures, il est devenu une marche de l'escalier raide et long qui a conduit notre peuple des souffrances au bonheur. À quelle page commencer la lecture de ce livre vivant? À celle qui nous a légué les vestiges des époques ourartéennes. Il y a 30 à 40 siècles, nos ancêtres creusaient déjà des canaux cyclopéens, mais ces canaux irriguaient les terres des rois d'Urartu. Ils cultivaient la vigne et semaient le blé, mais c'étaient les rois d'Urartu qui leur prenaient les récoltes et les gardaient dans leur immense hangar. Nous avons beaucoup peiné, mais personne ne nous l'a rendu au centuple. Cette phrase écrite par des artistes inconnus sur une mosaïque du temple de Garni au 1er siècle est comme le vers d'un hymne du temps de l'esclavage. Et lorsque les dieux et les idoles ourartéens réclamaient des sacrifices, on immolait les plus jolies filles et les plus beaux garçons des cultivateurs et des artisans. Quand les rois d'Urartu voulurent ériger la forteresse d'Erebuni, agriculteurs et artisans traînèrent les moellons et pétrirent le mortier pour sa construction. Ils gravèrent sur la pierre, en écriture cunéiforme, un texte conservé dans un musée de l'Erivan moderne et qui annonçait au monde, il y a 2750 ans, la naissance de la ville d'Erebuni, appelée par la suite Erivan, par la grâce du dieu Halda, Argisti, fils de Menua, éleva cette forteresse et la nomma Erebuni. Le peuple a lutté, souffert, aimé, rêvé. Mais que nous est-il resté de lui et sur lui? Des textes cunéiformes, glorifiant les rois Roussa ou Argisti, les forteresses qui perpétuent l'éclat de Sardour, les canaux cyclopéens attribués à la reine Sémiramis. Puis, les tribus ourartéennes s'unirent pour fonder le pays de Nahiri, l'Arménie, qui connut dès le début de son existence les invasions et les tourments. Il y eut des guerres, des invasions qui menacèrent l'existence même du peuple, sa langue, son écriture, sa foi. Alors le peuple tout entier, hommes et femmes, jeunes et vieux, entrait en lutte. Cela se produisit en 451 lors de la bataille d'Avarahir. Les lourds éléphants des Perses écrasèrent la cavalerie légère des Arméniens, mais le roi de Perse, Askert, eut peur de la foi fanatique de notre peuple, de son attachement farouche à sa langue, à sa patrie, à sa liberté. D'autres siècles passèrent, amenant d'autres conquérants. Les siècles disparaissaient, mais non pas les blessures qu'ils avaient causées. Good. Mais ensuite, il est bien plus facile de détruire que de construire, d'anéantir que de créer. Néanmoins, les conquérants étrangers se lassaient de détruire, mais le peuple inlassable construisait. Pour peu que le ciel fût plus clément et la paix s'instaura pour quelque temps, des villes riches de métiers, telles Cagny, se développaient. Les champs et les vergers reverdissaient, les manuscrits et les miniatures se multipliaient dans les cellules des monastères. Les chansons, d'abord timides, puis toujours plus hardies, des goussanes et des achours, se faisaient entendre. Les danseurs de cordes montraient leur verve, le brouhaha des noces et des baptêmes égayait la vie. Au XIVe siècle, le peuple espéra avoir créé définitivement un pays et un État sur la Méditerranée, en Cilicie. Les tribus turques revinrent à la charge, dévastant le territoire, séparant le frère de la sœur, la mère du fils, détachant la plume du manuscrit, la charrue du sol, effaçant sur la carte jusqu'au nom de l'Arménie, et faisant d'elle deux provinces de Perse et de Turquie. Ce cauchemar fut long, terriblement long. 5 siècles. Bien, mon impression est d'abord celle d'une continuité, et je pense d'un peuple qui a continuellement produit sur le plan artistique, en suivant les recettes ancestrales, les techniques ancestrales. Cette continuité s'affirme, je crois, plus particulièrement dans l'époque médiévale, où les techniques du royaume d'Urartu sont reprises, sont adaptées à l'art chrétien par les Arméniens. Et je crois que dans toute l'exposition, c'est peut-être ce qu'on ne fait qu'entrevoir, c'est-à-dire les photographies d'église, qui est le plus remarquable. Ces églises, je pense, pour les visiteurs qui les voient pour la première fois, doivent rappeler assez étrangement les églises d'époque romane que l'on trouve en France, en Auvergne en particulier. Je remarque également dans cette exposition un certain nombre de chapiteaux sculptés, avec en particulier les portraits du maître d'œuvre de Vierge en gloire. Ce sont des sculptures qui, en Europe, à la même époque, n'apparaissent pas. Elles datent du 6e, du 7e siècle, et qui semblent annoncer également, curieusement, la sculpture romane. Vous êtes vous-même, je crois, d'ascendance arménienne. Je suis d'ascendance arménienne. Est-ce que vous vous intéressez particulièrement à une époque de l'art ou de l'histoire arménienne? Je m'intéresse plus spécialement, je suis un Français d'origine arménienne ou un Arménien français, comme l'on voudra, et je m'intéresse à une époque de synthèse entre la culture arménienne et la culture française. Je veux parler de l'époque du royaume arménien de Cilicie, fondé à l'époque où les croisés arrivent en Orient, et où, dans l'Arménie cilicienne, dans cette région qui se situe au nord de la Syrie, les Arméniens vont avoir une civilisation qui va allier à la fois les traditions ancestrales de l'Arménie et certains apports venus d'Europe et plus particulièrement de France. Cette synthèse arméno-française se situe plus particulièrement sur le plan des institutions. L'Arménie cilicienne adoptera le système de la féodalité occidentale. À l'époque moderne, nous avons encore conservé en arménien le nom de baron, baron. Pour dire monsieur, ouais. C'est une survivance de cette époque des croisades. Et surtout, sur le plan littéraire, il y a eu une sorte de bilinguisme, de synthèse très étroite, les arméniens pratiquant couramment le français comme l'arménien, écrivant même à cette époque, qui se situe entre le XIe et le XIIIe siècle, aussi bien en arménien qu'en français. Tel écrivain, par exemple, qui écrit un livre de voyage, je pense à Hetoum de Gorigos, tel écrivain écrit en français et est considéré par les Français comme un auteur appartenant entièrement à la littérature française. Il y a eu là une synthèse extrêmement étroite, dont d'ailleurs les Arméniens ont gardé le souvenir, je crois, tout au long de leur histoire, puisque nous voyons au début du XXe siècle certains écrivains comme Minas Cheras, par exemple, écrire aussi bien en français qu'en arménien, et puisque plus étroitement les Arméniens et les Français mêleront leur sang sur les champs de bataille de l'Orient, je pense en particulier à la Cilicie, entre 1919 et 1922. Nombreux furent les malheurs et les souffrances du peuple arménien. Au printemps de 1915, sous le couvert de loi du temps de guerre, les chefs du Parti des Jeunes Turcs, parti politique au pouvoir dans la Turquie d'alors, conçurent et réalisèrent froidement l'expulsion et l'extermination massive des Arméniens, de même que les nazis devaient tenter de le faire plus tard pour d'autres peuples d'Europe. Les massacreurs tuèrent près de 1,5 million d'Arméniens. Les survivants, qui avaient échappé par miracle aux hécatombes, s'enfuirent à l'étranger. La plupart se fixèrent au Liban, en Syrie, en Égypte, en France, en Grèce, en Iran, en Amérique du Nord et du Sud. Khmer Ashare Gana Herati. Il ne restait qu'une poignée d'Arméniens en Arménie orientale russe, un dixième du peuple sur un dixième de son sol natal. Ces 700 000 Arméniens, dont le nombre atteignit avec le temps 2 millions, ont relevé des cendres une Arménie puissante et régénérée. La vue de ce miracle a fait parler le monde entier, et même les pierres d'Arménie. Je suis du pays où la pierre gît en abondance depuis des siècles. Du pays dont les bâtisseurs de temples et de palais végétaient dans des masures en torchis. Plus de 20 chaînes de montagnes traversent l'Arménie. Plus de 900 sommets de différentes altitudes la dominent. Près de 2/3 du territoire actuel sont couverts de montagnes rocheuses. La tradition dit que Dieu, en créant la terre et les abîmes, se tenait sur nos monts. Le mélange qu'il avait pétri était passé au tamis. La bonne terre allait d'un côté et les pierres restaient au fond de l'autre, à l'emplacement actuel de l'Arménie. Noires et sombres nos maisons pendant des siècles. Tristes et pensives nos églises. Ô pierre noire, ô pierre noire, pierre rongée de deuil. Vous étiez notre compagnie dans le désastre et dans le sang, et vous disiez tout bas ce que nos cœurs taisaient. Seuls amis au long d'un destin noir, ô croix de pierre sur les tombes, pierre des chapelles, pierre des temples, usée par la prière et les genoux des Arméniens, pierre des cierges, noires et noircies. Dans la terre se cachaient des pierres de couleur, pierres de joie, pierres de rire, comme une braise de vermeil parmi la cendre, comme l'espoir au creux des cœurs. Pierre de pourpre et d'incarnat, pierre, ô fleurs épanouies, apothéose ensevelie pendant des siècles, ô prisonnière de la terre, vous avez jailli du fond des cœurs anciens et vous ressurgissez, déchirant l'ombre noire, vous dressez nos colonnes, vous vous changez en voûte d'arc-en-ciel, vous souriez, fleurs éternelles, aux hommes et à la lumière. Sur quelle terre existe-t-il autant de vie, tant de couleurs et tant de joie, enfouie dans la vieille prison des millénaires? J'ai foi dans l'avenir de mon peuple. Le feu pur de son étoile à l'horizon luira. Son bonheur explosera à des mesures. Vous lèverez du fond des terres jusqu'aux cieux, clamerez dans la langue immortelle des pierres à pleine voix notre vie éternelle. Ô pierre de pourpre et d'incarnat, pierre, ô fleurs épanouies. Oh. La pierre, mise au service du peuple, a reçu le don de la parole. L'Arménie, pays volcanique, est un pays de pierre. Et l'arménien, dès le début de la création de l'ethnie arménienne, a disposé d'un matériau très riche et très varié, qui est la pierre volcanique, le tuf. On en connaît 37 variétés avec 37 couleurs différentes et de qualités différentes également. Le granit et aussi le basalte. La puissance du basalte sous la ville d'Erevan, la capitale, est de 600 mètres de profondeur. C'est l'un des plus gros gisements de basalte que l'on connaisse au monde. Et l'Arménie exporte le basalte pour faire des tissus et des matériaux de construction dans toute la Russie et même à l'étranger maintenant. Par conséquent, l'Arménien, dès sa naissance, vivait dans la pierre. Les hivers étant très longs, ils sculptaient, comme en pays de montagne, le bois d'une part, mais les bois ont disparu maintenant, il ne reste plus que 11% de toute la superficie de l'Arménie, 11% de boisé, et ils sculptaient la pierre qu'il avait à sa disposition. Le tuf est une pierre facile à tailler, qui durcit à l'air et qui peut braver les siècles. Par conséquent, il avait un matériau de choix, dont il faisait des architectures, d'abord des sculptures, ensuite des architectures. À vrai dire, l'exemple est venu de très loin, parce que Urartu, qui a été le royaume qui précéda l'Arménie, qui va du 9e au 6e siècle, bâtissait en briques non cuites et en briques cuites. Par conséquent, l'exemple d'architecture arménienne ne venait pas de l'Urartu, mais Urartu a appris aux Arméniens l'art de construire tout de même. Et les voisins, comme les Iraniens, les Sassanides, les Achéménides d'avant, ont appris aux Arméniens l'art de bâtir, mais ils ont toujours appris en briques, alors que l'Arménien a eu le privilège de son génie de transposer la brique en pierre. C'est là la grande qualité de l'architecture arménienne, qui commence, à vrai dire, réellement en ethnie arménienne et en architecture proprement dite arménienne, au IVe siècle. Au IVe siècle, Saint Grégoire a introduit le christianisme, même au IIIe déjà, en Arménie, et a détruit tous les monuments du passé, qui étaient des monuments païens, dont il voulait bannir jusqu'à la trace, et a institué une nouvelle architecture, qui devait être l'architecture chrétienne nouvelle. Naturellement, au début, on s'est inspiré des églises en forme basilicale, qui étaient le propre de l'architecture gréco-romaine, mais on a ajouté des coupoles au centre. C'était les premières transformations et la première éclosion de l'architecture arménienne proprement dite. Plus tard, au Ve siècle déjà, on construisait des églises rayonnantes, des églises stellaires en forme d'étoiles, des églises en forme de croix grecque. Toutes les formes des églises circulaires et rayonnantes ont été essayées en Arménie, qui est le pays le plus riche en églises rayonnantes au monde actuellement. Y a-t-il des affinités, justement, et quelles sont-elles, entre l'architecture arménienne et les autres architectures ? Oui, la question est fort importante, car effectivement, cette architecture créée sous l'égide de Saint Grégoire l'Illuminateur s'est développée avant le roman, jusqu'au 5e et 7e siècle, ça a été l'âge d'or. Au 7e siècle, les architectes arméniens ont fait des chefs-d'œuvre d'intérêt mondial que nous admirons maintenant, mais qui avaient été très peu connus par le monde. C'est l'école française d'archéologie, d'ailleurs, qui a signalé la chose au monde. L'école allemande en a pris l'héritage également de cette reconnaissance. Et au Xe siècle, à Annie, notamment à l'occasion de la construction de la capitale de l'Arménie, qui était Annie à l'époque, au Xe siècle, il y a eu également des chefs-d'œuvre extraordinaires. Donc, deux périodes étonnantes, la période du 7e siècle, chef-d'œuvre sans conteste, qui font l'admiration du monde maintenant, c'est ce que nous essayons de faire connaître au monde, et chef-d'œuvre du 10e siècle, après quoi est né l'art roman. Et l'art roman, que pendant longtemps on a considéré comme étant d'inspiration uniquement byzantine et syriaque, en réalité étaient proches parents de l'architecture arménienne. Il y a des églises d'Auvergne actuellement, si vous les mettez en présence des églises arméniennes, il vous est très difficile de distinguer. Il y a évidemment un écart de 2 ou 3 siècles, mais identité absolue dans les formes, l'exécution, c'est l'art roman dans toute sa splendeur. Et au Xe siècle, ou plutôt au XIe siècle, lorsque les Arméniens ont commencé à construire des couvents, ils en ont fait des chefs-d'œuvre étonnants également, qui sont maintenant de plus en plus connus. L'école italienne s'est mise également à faire connaître, en même temps que l'école française. Eh bien, ils se sont mis à créer une nouvelle architecture, non pas sur des murs porteurs massifs comme l'est le roman, mais sur des points isolés comme l'est le gothique. Et on peut dire que véritablement, ça a été un creuset de fabrication, des essais de toutes sortes préparant le monde gothique. Et on ne peut pas, bien entendu, dire que l'art gothique est né en Arménie, puisque même les Seldjoukides ont leur part dans cette création, et beaucoup d'autres peuples du monde. Mais dans l'histoire, l'influence arménienne a été très directe, car ils ont été parmi les premiers à comprendre l'intérêt de faire des points isolés au lieu de porter les efforts des murs et des voûtes sur des murs continus et épais. Ils portaient les efforts sur des points isolés. C'est ce qui a permis de faire des chefs-d'œuvre comme la Sainte-Chapelle de Paris, qui est reposée presque sur très peu de pierres, avec beaucoup de fenestrages en vitrerie et des verrières extraordinaires. C'est une véritable verrière. Et chose étonnante, ce sont sur les portes de la Sainte-Chapelle que l'on trouve des sculptures de l'église de Zvartnots, une église d'Arménie du 7e siècle, avec le mont Arara et l'arche de Noé qui, comme vous le savez, d'après la légende chrétienne, s'est posée sur le mont Arara. Ainsi donc, la Sainte-Chapelle à Paris est un témoignage vivant de l'art arménien et de son introduction dans le développement de l'architecture chrétienne. Et pour la période actuelle, est-ce que cette tradition continue ? Non seulement sur le plan des églises, bien sûr, mais également sur le plan de l'urbanisme. Et c'est ce qui peut vous intéresser aussi particulièrement. Certainement. L'Arménie nouvelle n'existe que depuis un demi-siècle seulement. Alors, quelle a été la position du nouveau gouvernement soviétique arménien par rapport à l'architecture arménienne ? J'avais pensé, pour ma part, qu'ils allaient ignorer totalement ce qui a été fait auparavant et qu'on allait instituer une architecture super moderne et d'avant-garde. Pas du tout. L'Arménie a été un creuset d'applications, je dirais même un peu trop systématiques, à mon sens ça dépasse la mesure, d'essais d'architecture monacale, monastique, et d'essais de construction de palais nationaux, de trusts pour le vin, ou des abattoirs, avec toujours la même architecture monastique qui dérivait du Moyen-Âge, et qui était l'architecture ecclésiastique des Arméniens. Vous voyez donc des constructions qui sont nettement inspirées de l'architecture chrétienne arménienne et qui font les palais actuels d'Erevan. Alors à Erevan, on a poussé un peu la chose à l'excès, en ce sens qu'on a bâti des murs de 2 mètres d'épaisseur avec des colonnades, des arcatures, enfin des choses extrêmement onéreuses et coûteuses. Avec ça, on aurait pu faire des quantités de maisons d'habitation dont on manquait d'ailleurs. Et je me suis permis d'ailleurs à la télévision arménienne de dire ce que je vous dis là aujourd'hui à la radio française. Eh bien, ça n'a étonné personne. Ils ont dit que j'avais parfaitement le droit de le dire, mais qu'il fallait essayer de comprendre les raisons profondes qui ont inspiré les responsables de l'architecture de l'époque. Il faut dire que les choses ont changé depuis, et depuis 10 ans, nous assistons à Erevan même et dans les grandes villes d'Arménie à une éclosion d'architecture moderne. Malheureusement, le moderne a du mal à suivre le mouvement moderne mondial et il y a un décalage d'une 15aine ou d'une 20aine d'années entre ce que nous faisons et ce qu'on fait maintenant à Erevan. Mais ce décalage diminue très sensiblement et je suis persuadé que dans 10 ans, on fera une architecture internationale que vous admirez ou vous n'admirez pas sur les bords de la Seine et que vous admirez ou vous n'admirez pas sur les bords de l'Arax ou à Erevan. Pays des pierres. Et la pierre, qui fut toujours pour nous une calamité, s'est convertie en source de bonheur et de richesse. Que ne font avec la pierre les habitants de ce pays ? Actuellement, outre nos minéraux précieux tels que l'or, le cuivre de Kafan et d'Alaverdi, le molybdène d'Agarak, de Kadjaran et de Dastakert, le fer de Svarans, nous pouvons mentionner le tuf d'Arctic, la ponce d'Ani, le marbre et le basalte de Khorvirab, le calcaire de l'Ararat, la perlite et l'obsidienne de l'Aragats, la syénite de Razdan. Alors que dans le temps, on n'utilisait en construction que le basalte et le tuf, surtout le noir, on peut voir sur les édifices modernes d'Arménie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel des tufs, y compris le violet, le jaune et le rouge, toute une mosaïque de marbre et le bleu du basalte. Je suis du pays où, de siècle en siècle, les torrents se sentaient à l'étroit, où les eaux jaunissaient dans le désœuvrement, tandis qu'aujourd'hui le labeur les rajeunit. L'eau dans ce pays fut de tout temps un objet d'adoration, témoin les dragons de pierre, les vishaps, conservés jusqu'à ce jour sur les versants de l'Aragats et les forteresses bâties aux sources des rivières pour les protéger. Comment expliquer aux enfants d'Erivan qui s'ébattent autour de petits jets d'eau claire et appuient le doigt dessus pour que cela gicle au loin, comment leur expliquer ce que c'est que la pierre d'eau ? Pierre d'eau. C'est une vasque en tuf posée sur des étais en bois et rappelant un dôme d'église renversé. On l'emplissait au matin d'eau de rivière trouble pour la filtrer et la rendre potable. Elle s'écoulait ensuite dans une cruche de grès, goutte à goutte, comme une liqueur magique ou des larmes. À l'ombre du saule, très haut dans le soir, murmure l'abreuvoir aux portes du village. Une source l'emplit d'un chant de diamants et de larmes pures l'étoile. Dans le sourd mystère de l'ombre, il s'ouvre, large baptistère où doucement penche et son doigt l'enfant nouveau-né de la lune. Harassé, le troupeau des bœufs s'y traîne le long d'un chemin boueux, froissant les flaques qui ruissellent, lueurs éparses, vers les prés. Les voici, flanc contre flanc, frottant échine contre échine. Soudain, c'est la fureur d'énormes cornes se balançant sur l'abreuvoir. D'une seule pesée, ils allongent leur cou et leurs naseaux où des pailles s'engluent, plongées dans le scintillement de l'eau, boivent à longs traits éternels, boivent la vague vierge, la transparente nuit de ces nattes glacées, ne s'effarouchant pas lorsque la froide lune, à vol furtif, vient brûler sous leurs mufles. Un moment, ils soulèvent leur puissante tête, désaltérée, et fixent, là-bas, les montagnes. De leur mâchoire, veine à veine, l'eau dégouline sur les pierres. À leur côté, arqué sur son bâton, le bouvier siffle un chant très doux, jusqu'à ce que tarisse toute l'eau, découvrant lentement le fond de sombre mousse. Puis ils s'en vont, dans un dandinement lourd, s'allonger au seuil de l'étable paisible. Au profond du village, comme un ruisseau, bruissent les cloches de leur cou. Et s'ils reviennent le lendemain, à l'aube, ils trouveront, veillés par le grand saule, l'abreuvoir rempli par le chant de la source et les larmes pures des astres. L'eau. Ce n'est pas seulement un champ, un verger ou une fontaine commémorative. De jolis bourgs aux maisons de pierre, construites le long du canal de Tallinn, accueillent les Sassouniens qui s'étaient fixés jadis dans les pauvres villages des versants de Raragats. La raison pour laquelle ils avaient choisi comme habitat les hautes montagnes vous apprendra notre destin séculaire. Ainsi, des villages arméniens se déplacent, mais c'est la première fois qu'ils le font de leur gré, sans être chassés par la fumée et les flammes, sans entendre les coups de feu et les pleurs des enfants, mais au son de la zurna et des trompes d'automobiles, au rythme d'une ronde sassounienne. On a récemment inauguré un monument dans un des squares d'Erivan, la fontaine de Sayat Nova, d'un mur de marbre blanc où un bas-relief reproduit la noble figure du poète, s'échappe en chantonnant un filet d'eau cristalline qui semble répéter sans cesse des vers de Sayat Nova. Sasum te la ciseli Barova de saim sireca Vartina manavacis eli Harero Parope saim sineka, parope saim sineka. Parope saim sinegam, parope saim sinegam. Laisse-moi mettre dans tes mains une poignée de blé, mon fils vaillant, mon ceinturon. Que dans tes bras de laboureur chante le sang de 20 €. Et puisses-tu dresser, tu as la taille d'un sapin, les colonnes de 20 maisons. Quand tu disperseras ton grain avec tes 10 doigts seulement, que ta récolte soit nombreuse autant que les étoiles. Laisse-moi verser sur ta tête une poignée de blé, mon petit-fils, mon cher enfant, mon bâton printanier. Que sur ton front se gravent 100 cantiques pleins de sagesse. Que soit posé sur tes épaules le tabernacle de la pureté. Lorsque tu visiteras ton troupeau, que vers ta main d'orge remplie, 1000 brebis tendent le cou. Laisse-moi répandre dans tes cheveux une poignée de blé, ma petite fille, ma rose, couronne de ma tombe. Que sur tes joues chaque printemps de jeunes pavots resplendissent, et chaque été que dans tes yeux tremble de nouvelles clartés. Lorsque tu planteras une branche de saule, qu'il te soit donné en avril de jouir de son ombre verte. Laisse-moi semer en ton sein une poignée de blé, ma jolie belle-fille, mes lointaines amours. Qu'un riche rang de blé comble le sillon de ta couche, que dans le berceau que tu berces les matins dorment glorieux. Quand tu trairas 40 vaches, que dans tes seaux le lait se caille, le lait brillant, nouveau trésor. Que pleuve sur nos têtes une poignée de blé, ma bien-aimée, ma douce vieille. Puisse le soleil de l'automne ne pas geler dans les neiges de nos cheveux. Que notre bougie ne s'éteigne parmi les colonnes de marbre. Quand nous serons au cimetière, que la terre, ma douce vieille, dessous nos corps, soit un peu molle. Je suis du pays où, depuis des siècles, le feu des incendies a dévoré le blé, à moins que l'ennemi n'en fît son butin. Mais maintenant, le peuple est maître de son blé. Chotzi dur Lorsque les grenades, les figues et les kakis achèvent de mûrir au milieu des rocs torrides de la gorge de Métrie, les raisins viennent à maturation et les pêches rosissent dans la vallée de l'Ararat. Au pied de la montagne, c'est encore l'été. Les blés y jaunissent à peine et pendant ce temps, l'herbe foisonne et les coquelicots fleurissent dans les alpages. Encore plus haut, les neiges commencent seulement à fondre. Les perce-neiges et les violettes font leur apparition, et sur les sommets, ce sont les neiges éternelles, les froids de l'hiver. Un torrent né de la fonte des neiges sur les versants de la Ragatz peut rencontrer dans sa course vers la rivière Razdan les quatre saisons, hiver, printemps, été, automne. Le reste de la terre était cruel, impitoyable. Mais ses habitants y travaillaient d'arrache-pied. Le manque d'eau n'était que demi-mal. Le pire, c'était le manque de terre. La profusion de pierres rendait la poignée de terre inaccessible et stérile, comme certains de ses habitants. Dans l'abîme pendait un arbre et sur l'arbre le serpent noir. Sans frôler des mains cette bête, nous lui avons fait toucher terre. Sans couteau l'avons égorgé, sans brasier l'avons fait cuire. Crève qui en mangera, qui n'en mangera pas éclate. Le bœuf est noir sur la noire montagne, et noirs sont les courroies de son joug, et son corps est lié par 7 cordes noires. Mauvais coup d'œil, mauvaise aiguille, mauvaise envie, mauvais conseil. Je te sers humblement, providence divine. Fais que crève l'œil, que la vie s'éteigne de celui dont le mauvais œil me poursuit. Le mauvais coup d'œil, la mauvaise aiguille, la mauvaise envie, le mauvais conseil. Ils ont renversé la noire montagne, on traîne le lait noir dans le grand seau noir. Qui l'a vu fut épouvanté, qui en goûta fut foudroyé sur la tête du serpent noir. Mauvais coup d'œil, mauvaise aiguille, mauvaise envie, mauvais conseil. Je chasserai le diable par la porte, qu'il s'envole par le toit. Je chasserai le diable par le toit, qu'il s'envole par la porte. Mauvais coup d'œil, mauvaise aiguille, mauvaise envie, mauvais conseil. Je suis du pays où parmi les gorges on n'entendait que pleurer le pipeau, tandis qu'à présent ces montagnes farouches retentissent du fracas des usines modernes. Si les pierres, la terre et l'eau, l'écriture et la poésie existent en Arménie depuis des siècles, il n'y avait pas d'industrie du tout. Toutes les usines d'Arménie ont moins de 35 ans et la majorité en a 5 ou 10 à peine. Tout cela naissait littéralement des ruines, ce qui ne pouvait manquer de susciter l'émerveillement et l'orgueil de chacun. Erivan, célèbre jusque-là uniquement par ses vins, son cognac et sa poussière, produisit dès les années 30 du bichromate et du verre, de la mulite et des machines-outils. Même pendant la guerre, le bruit des chantiers n'a pas cessé un seul jour en Arménie. C'est en ces temps difficiles qu'ont surgi, non loin du vénérable Ararat, les vastes bâtiments d'une usine de machines électriques et qu'on a commencé à transformer, à Erivan même, le caoutchouc en câbles et en pneus, que le carillon joyeux des premiers réveils fabriqués à Erivan a survolé la ville et que les cheminées d'une usine d'aluminium se sont dressées au flanc de l'Arabkir. De nouvelles entreprises naissaient, tandis que les anciennes étaient réaménagées, perfectionnées. On a démoli 3 fois en 15 ans l'enceinte du combinat chimique de Kirovakan pour agrandir l'entreprise. L'Arménie devient un pays laboratoire, un gigantesque institut de recherche où quantité de problèmes complexes de la science et de l'industrie du XXe siècle sont à l'étude. Ordre aux machines à calculer et à tous les appareils de mesure du monde entier. Puisque vous calculez donc sur quelle longueur d'onde, en combien de secondes, combien de grammes de sang débite un cœur de jeune fille vers ses joues effarouchées, provoquant l'explosion nucléaire qu'à ce jour nous appelons naïvement rougir. Quel flux de rayons cosmiques traverse l'atmosphère de nos yeux quand ils croisent soudain d'autres regards? Et dites-nous si cette irradiation réciproque est dangereuse pour nos cœurs ou bienfaisante. Vous calculez. Calculez donc en kilowatts cette énergie qui passe de la paume de nos mains aux boucles de cheveux, aux menottes des enfants, à la taille souple de nos bien-aimés, aux frêles épaules de nos aïeuls, mais aussi ce que nous en avons reçu. Est-ce plus? Est-ce moins? Et vous qui calculez, alors que nous ne savons pas encore pourquoi c'est l'homme seul qui a pouvoir de rire, et rien que lui, nul autre parmi les vivants. Dénombrez-nous les vagues de ce rire. Montrez-nous ces couleurs chatoyantes. Expliquez-nous la différence entre fou rire et ricaner. Calculez, s'il vous plaît, calculez. Combien de femmes dans sa vie chacun de nous a regardé, combien, au juste avec passion, combien avec admiration, combien avec un tendre regard de frère. Dites-nous donc où sont les femmes qui nous auraient vraiment aimées si nous les avions rencontrées. Dites-nous quel nombre d'enfants, ceux qui auraient dû devenir nôtres, semble-t-il, et qui sont les enfants des autres. Et vous qui calculez, par le pouvoir de vos cerveaux électroniques et les rayons de vos prunelles cyclopéennes, désintégrez donc la tristesse et dissipez cette fumée insaisissable qui toujours s'en exhale et monte on ne sait où. Oh, vous qui calculez, faites-nous connaître la date, même approximativement, quand enfin les peuples meurtris vont guérir, renaître à la vie. Quand les nations criminelles vont-elles recevoir un châtiment définitif? Car beaucoup de pays, depuis des siècles, ont perdu tout espoir en leur Dieu sans pitié, et ils sont en attente, ils attendent toujours que vous, les jeunes dieux nouveaux des temps nouveaux, vous cessiez de mentir, vous, au moins vous. Oh, vous qui calculez, énumérez les ponts qui relient les pays sur lesquels nous aussi nous aimerions passer. Ces ponts que nous n'avons pas encore traversés, ces ponts que nous ne passerons jamais. Dites-nous combien il existe de rêves et de vœux, et tout ce que désignent ces mots, simples mots, pour la simple raison que ce sont choses inaccomplies. Donnez-nous le chiffre certain de nos doutes, par lesquels souvent nous mûrissons et plus souvent précocement dépérissons. Dénombrez-nous le nombre innombrable des heures perdues sans retour, durant les époques pesantes ou légères, dans les files d'attente et dans les processions, dans la lecture des journaux polyglottes avec leurs titres flammes noires chaque matin, qui sont le regard borgne des canons plongés dans nos yeux doubles. Les sous-marins torpillent les passions de l'âme. Les bombes atomiques voudraient changer en eau blanche le sang rouge de nos veines. Alors il vous faut calculer combien de tonnes d'atomes sont nécessaires pour éclater le noyau de la planète Terre. Il vous faut calculer quelle quantité d'armes deviendra nécessaire pour que soient d'enfantement privées les mères. Indiquez-nous cordialement à quel intervalle de temps doit venir au monde l'enfant d'Andersen pour que les rois n'oublient pas qu'ils sont tous. Et je vous en prie, dites encore, après l'avoir appris, est-ce que les rois couvrent leur nudité ou bien restent-ils nus? Obligent-ils tout simplement les vertueux à se bander les yeux? Et peut-être saurez-vous dire si la surdité beethovenienne est en rapport ou non avec les épouvantables explosions qu'on déclenche dans le monde et sur le monde. S'il existe un rapport, expliqué, je vous prie. L'humanité va-t-elle à présent s'enrichir de Beethoven par milliers? Ou verra-t-on augmenter que le nombre des sous? Calculez. Recherchez enfin par quel moyen, par quelle bienfaisante machine, l'homme conservera les qualités de l'homme. Ou bien alors, faites dès maintenant de l'homme un homme. Thank you. la vision moderne du XXe siècle que nous a donnée le poète Paruhir Sevak, nous pouvons associer la vision du Moyen-Âge telle que nous l'a léguée le poète Krikor Narekatsi dans son œuvre immense et dont nous venons d'entendre un extrait mis en musique par le poète et compositeur Luc-André Marcel. Luc-André Marcel, qu'est-ce qui vous a inspiré dans Grégoire de Narek? Pourquoi avoir composé cette cantate? C'est d'abord le génie de Grégoire de Narek qui est sans équivalent. J'avais découvert la poésie de Grégoire de Narek il y avait quelques années et je m'étais exercé à la transcrire en français. D'après les traductions qu'on m'en donnait, certaines faites par des amis, d'autres que j'avais lues, signées de Tchobanian. Et j'avais été très passionné par le phénomène verbal de Grégoire de Narek. Soit dit tout à fait en passant, Narek n'est pas autre chose que le nom du village. C'est un village situé au bord du lac de Vannes et dans lequel se trouvait un couvent. Et c'est là où Grégoire, fils de l'évêque Khosrov Antsevatsi, a vécu. Et on l'appelle Grégoire de Narek. Il se trouvait effectivement que ce poète arménien, qui mourut en 951, était, peut-on dire, une sorte d'extraordinaire surréaliste du Xe siècle. Un surréaliste, au fond, touché par la grâce, pourrait-on dire. Il y a deux phénomènes en lui, et qui m'avaient saisi. D'abord, beaucoup plus que le mystique, l'homme du langage, d'un langage, et d'un langage chargé de pouvoirs singuliers. Il ne parle pas comme tout le monde, il n'écrit pas comme tout le monde, et il attend des mots un pouvoir de transformation, un pouvoir d'incantation littéralement extraordinaire. Et je ne pense pas, effectivement, qu'on puisse trouver d'autres exemples d'un processus semblable. Il se délivre du mal par le mot et provoque une sorte d'opération, comme diraient les psychanalystes, en cycle fermé, qui est assez étonnante. Par exemple, s'agit-il d'évoquer les péchés qui l'accablent ? Bien. Il se livre alors à une sorte de répétition obsédante des mots, prend une formule et la répète en la colorant sans cesse. Un péché et ses méandres, un péché et ses racines, un péché et ses arrosoirs, un péché et sa brise, un péché et sa ruse. Et cela dure interminablement jusqu'à ce qu'une sorte de consolation, de claire vision de son âme apparaisse, qui le délivre, il guérit le mal par le mal. C'est une thérapeutique verbale tout à fait extraordinaire. Et j'avoue que, me trouvant devant ce phénomène singulier, j'en avais été littéralement hanté. De là à risquer de le mettre en musique, il n'y avait qu'un pas. Est-ce que cette forme, justement, de litanie presque, appelait la musique même intérieurement ? Ah, certainement. Certainement, il fallait trouver un équivalent à l'incantation verbale. Vous êtes-vous mis presque dans le même état? Exactement, exactement. Mais je dois avouer, je dois faire un aveu, j'ai éliminé de mes textes les poèmes trop sombres. Vous savez que Grégoire de Narek est un poète très, très anxiosant, comme on dit. Il a ses angoisses, il a ses terreurs nocturnes, il est très occupé, préoccupé de l'idée de démon. Je ne sais pas du reste si cette célébrité extraordinaire qui lui vint, puisqu'enfin son œuvre, qui contient environ 500 poèmes, je crois, groupés sous le titre « Le livre des lamentations », son œuvre qui, pendant des siècles, a été tabou, puisque on place le livre des lamentations sous la tête des agonisants. Il sauvegarde des maladies. Il garde également, même quelquefois, je crois, de maladies le bétail. Les gens très naïfs qui ne le lisent pas, qui ne lisent plus le Grappard, pensent que ce livre les protège, les garde, et que Grégoire de Narek intercède auprès d'eux, auprès des puissances célestes. Je me demande si ce livre, précisément, est réellement connu en tant qu'œuvre poétique. Je ne le pense pas. Est-ce que son œuvre continue à être connue maintenant, à l'heure actuelle en Arménie? Est-ce que vous pensez qu'il sert toujours de livre magique? Je n'irai pas jusque-là. Non, je crois que... Ah, encore. Je dois faire peut-être un aveu. Lorsque ma mère mourut, elle lut un livre de lamentation, enfin, dans les traductions que j'en avais faites, sous sa tête, effectivement. Je crois, je tenais un peu tendrement à perpétuer ce vieux geste. Quant à dire, comme vous en posez la question, que le livre est réellement connu dans sa substance, je ne le pense pas. Pour une bonne raison, c'est que on ne parle plus, et depuis bien des siècles, le Grappard. Et que de ce fait, c'est simplement la réputation, je crois, du livre qui joue ici beaucoup plus que la matière poétique elle-même. Mais si nous en venons à cette matière poétique elle-même, elle est très surprenante. La chose n'alla pas sans mal, en réalité. Je pense, quant à moi, que ce mystique, ce fameux mystique qui préserve des maladies, qui nous garde de la mort, je pense, au contraire, que ce mystique fut un homme extrêmement déchiré par des conflits très violents, notamment par des conflits charnels. Il ne s'en cache pas, il ne cesse de s'en plaindre. Je crois que son père, qui était un homme rude, on ne badinait guère, vous savez, à cette époque-là, dans les couvents d'Arménie, on approchait de l'an 1000, les théologiens parlaient beaucoup de la grande terreur, de la grande apocalypse qui peut-être allait se déchaîner ces temps-là. Et tout le monde, je crois, tous les moines redoublaient de discipline très stricte. On sait que le monastère du lac de Vannes, le monastère de Narek, là où vécut Grégoire, était fait de cellules taillées en plein roc. Et l'on couchait pratiquement sur une couverture par terre. Et je ne sais trop si le fils ne souffrit pas du décret très rude de son père de mettre précisément l'enfant immédiatement aux rues de discipline monacale. Je n'en sais rien. Il semble lui-même s'en plaindre, non pas qu'il s'accuse de ne pas vouloir être en quelque sorte un peu l'équivalent du père, mais au contraire d'être en comparaison très indigne. Il semble qu'il y ait là une sorte de complexe de culpabilité permanent qui entretient et son angoisse et son génie. Car justement, c'est pour se préserver, en quelque sorte, de cette malaria de l'âme qu'il porte avec une grande impatience, qu'il invente ce langage étonnant dont il semble emprunter certains traits aux persans. Dans son œuvre, on peut remarquer un constant dialogue, presque, avec Dieu. Pouvez-vous définir que représentait Dieu pour Grégoire de Narek ? Oh, je crois l'être, la plénitude de l'être avant tout. C'est la grande réalité dont, au fond, il est avide. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas être tant qu'il est divisé. Et il insiste sur ce point, justement sur les points du conflit, il les exaspère, visiblement. Mais n'y a-t-il pas chez lui également un aspect, dirons-nous, profane, et même laïque, dirais-je ? Oui, et ça éclate notamment dans les fameuses odes, ou dans certaines remarques. Notamment, il est très sensible aux aspects des travaux des chants. Il s'en sert pour les sublimer verbalement d'une manière étonnante. Par exemple, il parlera de du petit chariot qui descend le mont Massis. Et ce petit chariot est chargé de 100 tas de sainfoin, de 6 tas d'orchis et d'une violette. Et c'est très étonnant, car tout son génie éclate là. Mais c'est aussi là. Peut-être une symbolique, non ? Mais exactement, justement, n'est-ce pas ? Le petit chariot, sont les, avec ses quatre roues, sont les quatre évangiles du Christ. Les tas de sainfoin sont les patriarches et les prophètes. Les tas d'orchis sont les six tas d'orchis sont les six jours de l'œuvre de Dieu. Et l'unique violette et la Trinité en un seul. Et il prend le soin lui-même de s'expliquer sur ces images. Il s'explique. C'est littéralement extraordinaire. Enfin, parce que là, on assiste à une transmutation verbale étonnante. C'est un poète, comment dirais-je, qui a la logique irrationnelle. Enfin, et en ce sens, il a une sorte de beauté onirique très, très, très rare, malgré tout, dans la littérature. Et surtout dans les nôtres. Très dur frappé. Oh, la grande mère a crié. crié contre ma lâcheté. Les tonnerres m'ont fracassé, les foudres m'ont enveloppé. Ainsi, fouetté de pluie mortelle, conspué par le cri du feu, entraîné par ma main sauvage, cassé sous le poing du torrent, troué par le doigt du printemps, lamentable dégringolade, mâchant une vase étrangleuse, fardée d'une noirceur fétide, embroussaillée dedans la boue. Tu me heurtes. Je ne sens plus. Tu m'éveilles. Je ne sens plus. Tu me blesses. Je ne sens plus. Tu me parles. Je n'entends plus. Tu cries vers moi. Je n'entends plus. Tu m'ordonnes. Je n'entends plus. Nul être, nulle créature, rien ne peut recueillir le fuyard que je suis. Ni les crevasses, ni les gouffres sans fond, ni les plus hautes crêtes, ni les failles des rochers, ni les troncs, ni les pierres, ni les trous, ni les creux, ni les cavernes béantes, ni les gorges des torrents, ni les caves, ni les combles, ni les dédales occultes, ni la nuit des prisons, ni les sombres vallées, ni les ravins abrupts, ni le flanc des collines, ni les brumes aveugles, ni les mers infinies, ni les eaux qui déferlent, ni les lointains rivages, ni les cris, ni les râles, ni le déluge des larmes, ni les doigts qui remuent, ni les bras convulsés, ni les bouches qui implorent. Les hautes chevelures du soleil illuminaient le joyau de la rose. Et par-delà les chevelures du soleil s'étendait la fleur de la mer. Et de l'immense mer étale, la fleur écumait. Sur la branche brillait le fruit de cette fleur au feu changeant, le fruit mûr, jauni de safran, se nourrissait du feuillage sombre, feuillage de celui qui donna la harpe dont jouait David, le roi merveilleux. Les peupliers et les buis lançaient leurs jeunes branches aux reflets roses, et dans la touffe serrée des roses, des fleurs aux sept couleurs s'ouvraient, et les roses ornaient le lys de leurs frêles bourgeons laineux. Le lys luisait dans la vallée, luisait en face du soleil. Le lys, splendide, avait fraîchi sous le vent du septentrion, mais la brise coulant des montagnes du sud le couvrit d'une rosée douce. Le lys s'emplit de rosée douce, en fin diamant resserré, et toutes les fleurs ruisselèrent de ce clair collier de rosée. Elle leur venait des nuées. Les nuées la prenaient au soleil. Et toutes les étoiles en cercle entourèrent la claire lune, puis, en groupe, au fond du ciel, elles figurèrent la croix. Oh. J'ai été orgueilleux. Moi, poudre vivante. Et fier, moi, argile parlante. Et hautain, moi, terreau vil. Je me suis exalté, moi, cendre sordide. J'ai brandi le poing, moi, coupe fragile. Je me suis accru plus qu'un roi. Puis, comme l'homme qu'on expulse, je me suis reclus à nouveau en moi. J'ai reflété l'incendie de la fureur, moi, boue intelligente. Ma présomption m'enfla comme étant immortel, moi, de mort encloué comme les bêtes. J'ai étendu les bras vers la passion de vivre, n'ai pas tourné ma face, mais mon dos. L'esprit ailé, je me ruais vers de noirs mystères. J'ai dégradé mon âme pure en flattant mon corps. J'ai affaibli la force de ma droite. Je l'ai vaincue en renforçant ma gauche. Et je t'ai vu penché sur moi, toi-même. Mais là-dessus, je dois me taire. Et ne me suis pas amendé. Et dans le sanctuaire m'ont obsédé les occupations de cette vie. La bride de la raison n'a pas dressé le coursier de mon esprit. J'ai ajouté des mots nouveaux au vieux langage. J'ai alourdi les insupportables anneaux. Comme le vase de grès cuit, je fus irréparablement brisé. Et mentirais-je si j'ajoute que dans la tente noire de Moloch, je suis entré afin d'hériter l'enfer. Cette lampe. L'eau, l'huile et le feu y habitent. Pareil à la pensée, la lampe. Semblable à l'eau, la connaissance. À la science, l'huile. Autant seront pures tes pensées quand au savoir tu t'adonnes. Autant ton âme éclairée sera savante pour t'illuminer dans l'obscurité. Quatre éléments te composent. Un tel édifice n'est pas solide. Entre air et terre, quelle affinité. Le feu et l'eau sont ennemis. Tu es pétri d'éléments contraires. Et tu formes un homme vivant. Que l'air, le feu, l'eau et la terre se séparent, et ton corps sera poussière. Je suis du pays où la sagesse du siècle se change en paroles humaines, en manuscrits. Mais des années passèrent avant que les peuples aient pu le lire. Je suis du pays dont les chants hardis ont franchi les sommets des montagnes pour évoquer les temps des souffrances passées et le bonheur nouveau du travail créateur. Déchiré pendant des siècles par les guerres et les calamités, notre peuple n'aurait sans doute pas vécu jusqu'à son épanouissement actuel s'il n'avait possédé, outre le glaive, une arme toute puissante, l'écriture. C'est au siècle qui suivit l'adoption du christianisme par le peuple arménien que survint un événement de grande importance pour le développement du pays, l'invention, vers 405, de l'alphabet arménien. Avant cette date, les Arméniens usaient du grec comme langue littéraire, du persan comme langue administrative, Sollicité par ces deux cultures admirables, mais étrangères, sans l'adoption d'un alphabet national, ils auraient dans les siècles qui suivirent perdu leur personnalité, peut-être leur religion, et presque certainement cette volonté d'indépendance qu'ils ont si magnifiquement affirmée tout au long de leur histoire dramatique. Luc-André Marcel, l'alphabet particulier au peuple arménien vous a particulièrement intéressé. Oui, et d'abord ce qui m'a fasciné, c'est que le père Mesrop ait pu inventer des alphabets. Je trouvais cette aventure extraordinaire. Il est tout de même très rare qu'un homme invente des alphabets et que ces alphabets s'implantent. Car c'est exactement ce qui s'est produit. Il l'a inventé dans le souci, justement, de préserver la religion, puisque, à l'époque, je pense, les Arméniens ne pouvaient prier qu'en grec. C'est-à-dire qu'on ne pouvait lire que le grec. Exactement. Donc il fallait préserver la religion originale. Et ce faisant, il a préservé tout le génie du peuple. Et tout ce qui se perpétuait à travers l'Arménie a brusquement trouvé un moyen d'expression. Il a individualisé la langue arménienne d'une certaine manière. Elle a pris corps. Je dois dire, du reste aussi, que ce qui est très étonnant, c'est la forme des lettres. J'avoue que j'ai beaucoup rêvé là-dessus. On peut se livrer à une sorte de petite psychanalyse, si j'ose dire. D'abord, ce que Mesrop s'est gardé de faire, et qui est très admirable, il n'a pas fait de surenchère. Par exemple, il y a toute la graphie persane, qui est extrêmement belle, avec ses courbes, ses déliés, c'est extrêmement subtil. Rien de tout cela dans l'écriture de Mesrop. Il avait une autonomie de caractère absolument incroyable. Car la chose était difficile, pensez-y. Est-ce que vous voyez quelques-uns des caractères comme ça en pensée? Quelques-uns, je les vois avec ses traits droits, un peu rudes, très apparentés au fameux style roman, du reste, l'architecture romane qui nous vint d'Arménie. C'est très important. Il semble qu'il y ait là une sorte de jonction entre le psychisme d'un peuple, ses goûts naturels et sa manifestation graphique, qui sont rarissimes. Est-ce que vous pensez qu'un alphabet a un rapport avec le caractère d'un peuple? Oh, absolument. On pouvait rejeter l'aventure de Mesrop. L'admirable, c'est que précisément tout un peuple a adhéré à cette aventure, on a trouvé ça tout à fait remarquable. Par conséquent, on se retrouvait dans ces caractères. Et effectivement, si on les regarde sans même les lire, eh bien, on s'aperçoit effectivement qu'elles mirent très bien le tempérament arménien. Mais de quelle façon? Eh bien, ne serait-ce déjà que par la force de la graphie, par la sobriété. Déjà, on peut dire qu'un peuple qui use d'un alphabet de ce genre est un peuple laborieux. Il n'est pas un peuple amoureux tellement de l'ivresse. Et regardez bien l'arménien, vous verrez que c'est vrai. Avant toute chose, vous voyez apparaître un souci d'architecture. Et l'arménien est bâtisseur. C'est célèbre. Ça n'est presque légendaire. Même dans la poésie, vous pouvez retrouver ça. Constamment, le souci d'architecture prédomine. Le poète bâtit son poème comme l'arménien bâtit d'abord sa maison. Pour quelle raison? C'est extrêmement simple. On la lui a détruite au cours des siècles tout le temps. La première des lois pour un Arménien est d'abord de se loger. Il va droit à l'essentiel. Et croyez bien que si un peuple qui a été massacré si souvent a adhéré aussi spontanément au caractère de Mesrop, c'est que Mesrop, par une sorte de trait de génie assez fulgurant, il faut le dire, avait trouvé exactement les traits conformes aux caractéristiques du tempérament arménien. Mais c'est une vision matérialiste, en somme. Probablement. Probablement. Remarquez qu'on a vu là aussi une efficace de la grâce. Et effectivement, tu vois, je comprends très bien qu'on puisse parler de grâce en pareil cas. Cette conjonction est proprement miraculeuse. Enfin, en tout cas, on a rarement l'occasion de parler d'un sujet de ce genre. Et je trouve que cette aventure est extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut faire la comparaison avec d'autres alphabets? Ah, mais bien sûr. Et on s'aperçoit justement que l'arménien n'a pas, si vous voulez, l'abstraction du grec, ni de l'arabe. Il n'a pas le goût non plus de la fioriture, comme on peut le retrouver un peu chez les voisins, n'est-ce pas ? Et on s'aperçoit, comme je le disais, que tout ce qui émane de lui va droit à l'essentiel. Et en même temps, l'autonomie est extraordinaire parce que ses caractères ne ressemblent à personne. Et on peut dire que l'Arménien ne ressemble à aucun autre peuple. La preuve en est dans l'histoire même. Voilà un peuple chrétien entouré de musulmans. Je passe sur tous les séismes et les guerres précédentes, l'histoire précédente. Mais voilà un peuple qui se maintient. Et songez tout de même qu'il dure depuis Sumer. Au fond, ce sont les enfants les plus purs de Sumer, les Arméniens, d'une certaine manière. Et pensez qu'ils durent. Cela représente des qualités psychologiques extraordinaires. On ne dira jamais assez. Là où le glaive était sans effet, l'écriture a vaincu, apportant à travers les âges son espérance et sa foi. En dépit d'innombrables catastrophes, des milliers et des milliers de manuscrits arméniens, conservés par miracle, nous sont parvenus. Plus de la moitié d'entre eux sont réunis au Matenah d'Aran, réserve de textes anciens. En Arménie, je travaille au Matenah d'Aran. Qu'est-ce que c'est que ça, le Matenah d'Aran ? Le Matenah d'Aran est l'Institut des anciens manuscrits arméniens qui actuellement possède une collection de 10 500 anciens manuscrits arméniens et près de 2000 manuscrits en différentes langues étrangères. C'est un institut de recherche scientifique où les manuscrits sont conservés, également étudiés et traduits en arménien contemporain et en langues étrangères. Et de quand datent en général ces manuscrits ? Les manuscrits vont du 5e au 18e siècle. Mais du 5e siècle, nous avons simplement des manuscrits pétrifiés, des feuillets, des fragments. Le premier manuscrit complet arménien date de 887. Est-ce qu'il y a des noms qui soient venus jusqu'à notre époque de ceux qui ont fait ces manuscrits ? Évidemment, il y a d'abord les noms des auteurs, c'est-à-dire des historiens, des philosophes, des savants de différentes époques, surtout du 5e, 6e, 7e siècle. Et évidemment, il y a parfois le nom des scribes, des enlumineurs et des relieurs des manuscrits. Beaucoup d'entre eux sont très connus, surtout les miniaturistes, les enlumineurs du 13e, 14e siècle, comme Taurus Roslin, Sarkis Pitzak, Minas, très grand nombre d'autres. Et quelle est l'originalité même de ces enluminures arméniennes ? Les enluminures arméniennes, d'abord, sont très anciennes. Les premières miniatures arrivées jusqu'à nous datent du 6e siècle, ce qui est déjà très très bien. Et elles sont très originales parce que les Arméniens, bien que souvent influencés par l'art byzantin, l'art arabe parfois, ont toujours dit leur mot original dans quel art que ce soit, surtout dans la miniature. On retrouve par exemple des traits typiquement arméniens pour les évangélistes, pour la Vierge, différents personnages pris de la Bible, de l'Évangile. Et si nous en revenons au Matenah d'Aran, on peut dire que cet institut forme actuellement, disons, un centre culturel mondial, et à quel titre ? Ah oui, le Matenah d'Aran est sans aucun doute un centre culturel mondial. D'abord, en tant que collectionneur de manuscrits arméniens, c'est le plus grand centre de manuscrits arméniens qui existe dans le monde. Il y a évidemment d'autres centres également à Jérusalem, à Venise, à Vienne, parce que les manuscrits arméniens ont été dispersés, de même que les Arméniens eux-mêmes. Mais en tant que dépôt de manuscrits, d'une manière générale, également, le Matenah d'Aran d'Erevan occupe la troisième place, après le dépôt de manuscrits de New York et de Milan. Et disons, qu'est-ce qui peut nous y intéresser particulièrement, nous, Européens, nous, Français ? Nous possédons également des manuscrits en langues étrangères, je l'ai déjà dit. Nous avons des manuscrits latins, des manuscrits grecs, persan, arabe. Je ne peux pas dire que des Français puissent être très très intéressés par les collections du Matenah d'Aran, peut-être en ce qui concerne les relations franco-arméniennes à travers les siècles. Quelles relations par exemple ? Des relations surtout culturelles, si vous voulez. Il y a au Matenah d'Aran, outre les manuscrits, un très grand nombre de documents d'archives. Est-ce qu'il y a parmi ces documents des documents qui dateraient des croisades par exemple ? Et en ce sens, le manuscrit qui est très très intéressant, c'est une traduction des Assises d'Antioche, traduction faite du français au XIIIe siècle. Les Assises d'Antioche, c'est le code dont se servaient les croisés. Et bien ce manuscrit, cet ouvrage s'est conservé seulement dans sa traduction arménienne. Le texte français a disparu. Et si j'en viens encore une fois au Matena d'Aran, il serait intéressant de savoir combien de personnes y travaillent, d'une part les chercheurs et peut-être dans l'ensemble les employés du Matena d'Aran. Dans l'ensemble, il y a une centaine de personnes, dont 35 chercheurs. Ces chercheurs donc se consacrent à la reconstitution et également ont le souci de préserver les manuscrits que vous gardez. Oui, évidemment, il y a des laboratoires qui sont spécialisés justement dans la conservation des manuscrits. Parfois, les manuscrits ont certaines maladies, sont couverts de moisissures, alors on les soigne. Et il y a vraiment également des services bibliographiques et textologiques et le service des traductions. Qui sont en relation avec tous les pays étrangers, certainement. Oui, et surtout les centres et les dépôts de manuscrits arméniens. Parmi les manuscrits du Matena d'Aran, il y a les discours choisis dont l'histoire rappelle beaucoup celle de notre peuple. Dû à Vardan Kafaïtsi, qui en la ville arménienne de Mouche mit 3 ans à recopier le texte et termina son travail en 1204, ce gros volume pèse plus de 30 kilos sans la reliure. On avait égorgé de 600 à 700 veaux pour faire ces 607 pages de parchemin. Pendant la Première Guerre mondiale, le manuscrit menacé de destruction fut sauvé par 2 réfugiés mourant de faim qui le sortirent du couvent incendié et saccagé. Elles portèrent à tour de rôle sur leur dos cette lourde charge. À bout de force, elles partagèrent le volume en 2. Elles enveloppèrent une moitié dans des chiffons et l'enterrèrent au bord de la route. Quant à l'autre, elles la portèrent jusqu'à Echmiadzin. Plus tard, un Polonais officier de l'armée russe retrouva l'autre moitié et la restitua au Matena d'Aran. Enfin, les 2 parties du manuscrit se sont rejointes au pays natal. Il n'est pas de tâche plus honorable que celle de l'écrivain arménien qui représente une littérature aux traditions si riches. Zare Vorpouni, vous êtes un romancier arménien de langue arménienne, je le précise, installé en France depuis 1922, c'est-à-dire après les événements tragiques que nous connaissons tous. Vous êtes l'auteur de 9 ouvrages publiés en France, et nous verrons tout à l'heure dans quelles conditions difficiles. Parmi ces ouvrages, citons notamment L'épreuve, qui est le premier volume de toute une série d'ordre psychologique, de romans psychologiques, et L'homme fut. À travers votre propre expérience d'écrivain, nous voudrions un peu connaître quelle est la situation, quelles sont les difficultés et quels sont les espoirs de l'écrivain arménien en France et en général dans la diaspora. La situation de l'écrivain arménien dans la diaspora devient de plus en plus critique du fait que les nouvelles générations ne connaissant plus leur langue et les vieux disparaissant. Et ce n'était déjà pas nombreux. Il y avait la vieille génération, mais ils ont passé par des périodes de vie tellement pénibles que leur rapport avec la littérature n'était pas très intime. Mais leur disparition, en somme, ne fait pas grand tort. Donc c'est d'abord une question, et là, c'est une difficulté que vous soulevez, ouais. C'est d'abord une question de public. Voilà. Donc au début, vous aviez un public, il était déjà restreint. Maintenant, ce public disparaît de plus en plus et vous allez bientôt vous trouver sans public. Oui, nous sommes déjà là. En ce qui concerne la France et l'Amérique, par exemple. Sauf l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud... il y a un peu d'effervescence. Bon, reprenons votre cas. Vous êtes venu, vous êtes installé en France en 1922 et vous avez continué à faire votre œuvre d'écrivain arménien. Bon, vous avez écrit et comment avez-vous publié? Naturellement, ma génération, quand nous sommes arrivés, nous avions à peine débuté à Constantinople. Nous avions quelques balbutiements. Donc, je suis venu à la prose par le contact de la littérature française. Ah bon, là, c'est un point à souligner. Ouais. Donc, l'importance de l'influence de la littérature française sur vous personnellement. Sur moi personnellement. Et principalement, j'ai eu un extraordinaire ébranlement par la lecture de Proust. Est-ce que vous pensez que pour vos confrères, il y a eu également, disons, le même bouleversement? Oui. Par exemple, en ce qui concerne notre meilleur poète, Sarafian, lui, il y a eu une influence très nette d'ailleurs d'Apollinaire. Très nette d'Apollinaire. Donc, au départ, il y a eu un choc par la poésie et par la prose française. Mais vous apparteniez déjà à, disons, vous-même, Sarafian et d'autres que vous citerez, apparteniez à cette élite intellectuelle qui avait déjà des contacts avec la littérature française, parce que vous étiez de Turquie, de Constantinople plus précisément. Oui. Est-ce que vous connaissiez déjà le français à l'époque où vous étiez en Turquie? Ah oui, quand je suis né en France, je parlais le français, mais on me disait que j'étais trop livresque. Je parlais comme dans un livre, on me disait. Alors il a fallu même que volontairement je m'encanaille dans le français. De tout temps, la littérature arménienne d'Occident, c'est-à-dire de Turquie, a été sous l'influence française. Ça, sans conteste. Nous n'avons fait que continuer en venant en France. C'est-à-dire que nous sommes rapprochés de la source. Non seulement de la source, mais du climat. Et vous avez été mêlé, disons, à cette effervescence qui a eu lieu vers les années 20, 25, 26, oui. 27. Oui. Est-ce que vous avez participé à cet éveil ou à ce réveil de la littérature française? Moi, personnellement, j'ai été trop mêlé avec mes amis français. Mais les autres de ma génération, ils vivaient trop en arménien. Est-ce un reproche? Non. Ce n'est pas une reproche, puisqu'ils avaient la culture française, ils s'en nourrissaient. J'ai été en constant contact, et c'est pour ça qu'on me demande parfois comment tu n'as pas opté définitivement pour le français. Ah, là, c'est un phénomène important, ouais. Parce qu'il y en a, je crois, qui, justement, ont commencé à écrire en langue arménienne et qui ensuite se sont transformés, sont devenus des écrivains français. Oui, par exemple, de ma génération, et de mon collège d'ailleurs de Constantinople, n'est-ce pas, du collège Beberian, Jean Chanour, qui est devenu après l'expression française le poète Armène Lubin, et Gakavian. Oui. Gakavian, devenu Victor Gardon. Le romancier. Le romancier, mais les autres n'ont pas essayé. Alors, vous êtes entièrement tourné vers la littérature arménienne. Et aujourd'hui, quelle est cette situation vis-à-vis du public qui disparaît? Est-ce que vous continuez, vous et vos confrères, à écrire? Oui, malgré tout, on continue. Comme une plante ne peut pas produire ses fleurs, nous produisons. Mais nous ne nous plaignons pas. C'est souvent à contre-auteur, mais par exemple, j'ai eu l'avantage, si vous voulez, de trouver un éditeur au Liban. Il le publie. Donc il y a une sorte de solidarité internationale qui se crée, c'est presque. Ça, entre diaspora. C'est ça. Et il vous a publié. Et avez-vous des lecteurs? Oui, quand même. Vous situez à peu près combien de lecteurs? 100, 200. Mais n'avez-vous pas d'autres ambitions maintenant? D'autres visées, d'autres publics qui se réveillent? Ce public est le public du Liban. Et ensuite le public d'Arménie. Puisque depuis quelque temps, nous avons une ouverture. En Arménie, non seulement ils nous rééditent des ouvrages, mais ils nous demandent. Il nous demande d'être publié là-bas. Ah, donc vous allez avoir un nouveau public. Un nouveau public. Par exemple, mon livre qui est apparu, ils ont fait une anthologie, n'est-ce pas, avec d'ailleurs deux romans et plusieurs contes dans un seul volume, à 7000 de tirage. Chose inespérée. Qui a disparu en 8 jours. C'est ça. Et êtes-vous le seul? Sûrement pas. Non, il y a eu d'autres. Est-ce que vous publiez ici en feuilleton? Est-ce qu'il y a des journaux qui vous accueillent? Quelle est la situation? Par exemple, si vous voulez vous exprimer, non pas en livre, dirons-nous, mais en feuilleton ou par les nouvelles. Voilà. Par exemple, je vais commencer un feuilleton dans le journal Ashkar. C'est un des journaux qui existe en France ou il y en a d'autres? Malheureusement, il n'y a plus que deux. Autrefois, c'était très florissant en revues, en journaux, en hebdomadaires. Mais maintenant, nous sommes réduits à un journal quotidien, Harach, oui, et un journal bi-hebdomadaire, Ashkar. Est-ce qu'il peut y avoir encore un avenir pour les écrivains de langue arménienne de la diaspora, en dehors de l'Arménie soviétique? Vous savez, une littérature, c'est une chose individuelle qui se fait. Un individu qui fait vers de la littérature, il le fait, public ou sans public. Alors que les Cahiers du Sud présentaient aux lecteurs français divers aspects de la poésie arménienne, la revue Europe, de son côté, consacrait en 1961 un de ses numéros spéciaux à la littérature arménienne contemporaine, poésie, roman, nouvelles, essais. Voisin d'Europe, en l'hôtel parisien d'Audun où nous trouvons aujourd'hui, les éditeurs français réunis que dirige Madame Madeleine Braun ont entrepris la publication d'une vaste anthologie de la poésie arménienne allant des origines à nos jours, c'est-à-dire à partir du 5e siècle. Madame Madeleine Braun, qu'est-ce qui vous a suggéré, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette publication? Nous avions déjà publié des anthologies de poèmes, anthologies de la poésie vietnamienne, anthologies de grands poètes comme Nazim Hikmet ou Éluard. Et j'avais eu l'occasion d'aller en Géorgie et en Arménie soviétique. Et de Géorgie, j'avais rapporté un livre de poèmes que nous avons publié. Et sur cette lancée, nous avions découvert des peuples qui pensaient en poésie et que la poésie arménienne était une grande poésie qui se déroule dans le temps, puisque du 5e siècle à nos jours, nous aurons un très important volume qui, pour la première fois, sera réuni en langue française. Et nous nous sommes entourés de collaborateurs, poètes, adaptateurs, notamment Gamara, Gaucheron, Pierre Segers, Marcenac, Max-Paul Fouché, Jacques Roubaud, Léon Rebel, Jean-Pierre Fay, Luc-André Marcel, Armand Mongeau, et nous sommes en plein travail. Pierre Gamara, vous étiez un peu à l'origine du numéro spécial sur Europe, et maintenant vous vous attelez à la tâche de l'adaptation en français de poèmes arméniens. Quelles sont vos impressions? Je crois qu'on pourrait dire de cette littérature qu'elle est toute poésie, un peu comme Cocteau disait de son œuvre, que c'était poésie de roman, poésie de cinéma, etc. Tout est poésie dans ce pays. Et je suis très heureux des poèmes qu'on m'a confiés. Cela va depuis Grigor Tora, qui est du XIIe siècle, à Constantin Derzinka, qui est du XIVe siècle, jusqu'à ces très grands poètes de l'époque contemporaine qui sont Ovanès Ovanessian ou Nahiri Zarian ou Ovanès Toumanian, qui sont, je crois, de grands poètes universels, de grands poètes d'Arménie, mais aussi de grands poètes universels. Et vous, Pierre Segers, je crois que vous avez traduit quelques-uns des poèmes qui vous touchent le plus, qui ont des airs de complainte, si je puis dire. Oui, j'ai été frappé dans cette poésie arménienne par les mots à mots. J'ai été frappé de retrouver là une poésie presque de tradition orale. On sent combien cette poésie vient de loin, d'avant l'écriture, et dans ses complaintes, dans ses vers, j'ai retrouvé des possibilités de chansons et des accords avec une musique. À travers Souren Vaouni et la complainte du partisan, de sa femme et de son cheval, qui est une belle chanson si on pouvait la mettre en musique ici, à travers un grand poème anonyme, ancien, du XIIe siècle je crois, qui est un chant pour le salut de l'âme, et surtout à travers les célèbres pleurs de l'Arax de Raphaël Pakanian, j'ai tenté de retrouver cette sorte de chaleur et de vertu poétique. Et vous, Léon Rebel, qu'avez-vous à dire autour de cette entreprise et particulièrement peut-être de la sensibilité arménienne? Il se trouve que je l'ai connu, tout jeune professeur, nommé à Marseille, où, comme on sait, il y a beaucoup d'Arméniens, d'une façon assez curieuse, un garçon qui avait largement dépassé l'âge scolaire, un jeune cordonnier, je crois bien, est venu un jour me trouver et m'a dit « Je veux rentrer dans ma patrie, mais je tiens à y rentrer dignement, ayant acquis de la culture, et je veux avoir le baccalauréat. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je sais un peu le russe. » Alors, je me suis arrangé pour qu'on accepte de laisser suivre des cours, et il était là dans ma classe. C'était assez étrange. Il était là parmi les garçons de 15-16 ans, lui en ayant 25. Et c'était assez bouleversant pour moi. Il a fini par avoir son baccalauréat. Je pense qu'il est rentré dans son pays. Je ne sais pas ce qu'il y fait maintenant. Mais c'était une première idée de la soif de culture arménienne. La poésie arménienne, puisque je suis russisant, elle existe pour moi à travers l'œuvre de poètes russes aussi, vivants ou morts. Ce que j'ai vu à Garni, par exemple, où il y a des ruines admirables du grand passé de la culture arménienne, je les retrouve exprimées d'une façon décisive pour moi dans le grand poème de Mandelstam sur l'Arménie, dans ce fragment. Non pas ruine, non, mais coupe d'une puissante forêt au compas, souche d'ancrage des chaînes abattues d'un christianisme animalier et fabuleux, rouleau de draps de pierre sur les chapiteaux, comme les marchandises d'une boutique païenne pillée, grains de raisin gros comme un œuf de pigeon, boucle des cornes des béliers, et aigle hérissé aux ailes de hibou non encore abattardis par Byzance. Jean-Pierre Fay, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose qui vous est intéressé dans cette approche de la langue arménienne que vous ignorez, mais que vous pouvez découvrir par peut-être ses sonorités? N'ayant pas accès à la relation même entre le phonique et le sens dans les textes qui m'ont été confiés, j'ai essayé un détour pour tenter d'atteindre un quelque chose de ce texte poétique. Le texte en question, c'était la grande complainte de ce poète du Moyen-Âge arménien que l'on nomme là-bas Frick, du nom d'une citadelle ou d'un lieu, si je ne me trompe, mais que pour ma part j'appelle Khatchatour, de son prénom, qui me semble très beau. Ce texte, pour moi, j'essayais d'y retrouver par langage interposé une certaine nudité de démarche. Et pour cela, je croyais entrevoir un piège de notre propre culture qui risquait d'enfouir, enfin de recouvrir le mouvement même de ce texte ancien dans sa montagne assiégée. Cette tradition culturelle chez nous, c'est celle de la complainte liturgico-classique, si vous voulez, ce qu'on trouve dans les stères de Racine ou dans les juifs de Garnier. C'est-à-dire la lamentation avec sa rythmique propre. Là, il fallait donc au contraire éviter de retomber dans une rythmique française déjà homologuée, si vous voulez, à laquelle notre oreille est acclimatée, pour ne pas transformer ce poète arménien montagnard et vraiment aux prises avec la souffrance même d'un peuple, avec cette espèce de rengaine culturelle, si vous voulez, qui nous est venue dans la tradition classique française à travers très long détour, n'est-ce pas, parce qu'entre l'exil des Hébreux de Babylone et puis Robert Garnier, il y a un écart culturel énorme, tandis qu'entre Khatchatour et puis la souffrance du peuple arménien, il y a une espèce de rapport immédiat qu'on pressent là-dedans. Il est vrai que l'Arménie est finalement un tout petit pays, et ce tout petit pays est pourtant le pays d'une très grande poésie. Au fond, voyez-vous, je crois qu'on peut dire à propos de la poésie arménienne ce qu'Aragon dit à propos de la poésie en général et tout simplement à propos du poète, à savoir qu'il n'y a qu'un secret pour le véritable poète et que c'est de longuement souffrir. Ce qui m'a le plus touché, ce qui m'a le plus ému dans cette poésie arménienne, c'est précisément qu'elle soit un cri de souffrance, mais en même temps un cri de dignité et la volonté, cette volonté qui fait l'homme, de surmonter cette souffrance, de transformer cette souffrance et d'en tirer ce qu'à défaut du bonheur, il nous faut bien appeler la vie. Après Jean Marcenac que nous venons d'entendre, nous allons demander pour conclure à Jacques Gaucheron quelles sont ses impressions. Ma première découverte de la poésie arménienne date d'assez longtemps maintenant, mais le plus grand poète que j'ai rencontré en essayant de donner une voix française à cette longue chanson d'Arménie, c'est ce grand poète qui s'appelle Tcharens. C'est, je crois, un grand génie, et il y a quelques raisons à cela. Tcharens se situe dans la période, devient un grand poète, dans la période 1917-1925, et il sort du long malheur de l'Arménie, et il va se trouver immédiatement à la naissance d'un monde nouveau, avec la révolution soviétique qui va parcourir l'Arménie à partir de 1917. Il se situe donc au confluent du passé du malheur et de l'avenir qu'il veut croire radieux. Et par exemple, lorsqu'il vient en France, ça lui permet de faire un pèlerinage au mur des Communards, à propos duquel il a écrit un très long poème, parce que, pour lui, la Révolution de 17 est l'héritière de la Commune de Paris, dont on fête cette année le centenaire. C'est donc à un confluent qu'il se trouve. Mais il se trouve aussi, et c'est peut-être du point de vue poétique ce qu'il y a de plus fascinant, il se trouve à un autre confluent, qui est le confluent de l'Orient et de l'Occident. Tcharens a une très ferme conscience théorique, d'ailleurs, de ce que la poésie doit être pour devenir une poésie d'avenir, mais aussi pour lier, pour entrelacer les traditions de l'Orient, de la poésie orientale, et les traditions de la poésie occidentale. L'un des plus beaux textes, à mon avis, un texte extraordinaire de Tcharens, c'est les Rubaiyats, qui sont dans la tradition du rubaï, c'est-à-dire d'une poésie qui a ses sources orientales, et il essaie, comme le rubaï était la recherche d'une sagesse, il essaie d'adapter une sagesse moderne à cette forme de la poétique ancienne de l'Arménie, et cela donne des choses tout à fait extraordinaires, une forme ancienne dans laquelle il coule une sagesse moderne. Par exemple, cette sagesse envisageait les problèmes de l'éternité, Tcharens leur oppose les problèmes du mouvement, de la vie qui ne cesse pas de continuer. La sagesse ancienne allait un peu vers l'immobilité, il recherche lui au contraire la lutte, l'action. Et cela donne un espèce de précipité extraordinaire, très fascinant, dont je peux par exemple vous lire quelques strophes, puisque les rubaïs, ce ne sont que des quatrains. Et peut-être, je vais vous lire le quatrain qui pour moi donne cette dimension de l'avenir à la poésie de Tcharens, c'est le rubaï 38 de ce long recueil que sont les rubaïyats. Tu as reçu la vie pour être, et que rien ne te semble rêve, que tu bâtisses ta vie dans la vie, et que rien ne te semble rêve. Cette vague de ferveur t'a conquis, mais vois-tu ce qui va venir? C'est l'avenir qui vient de loin, pour que rien ne te semble rêve. Et il y a là presque, à mon avis, une moralité de la poésie arménienne, qui est une poésie extrêmement belle, qui a peut-être eu souvent dans le passé la beauté des larmes, mais avec Tcharens et avec les poètes arméniens d'aujourd'hui, Je crois que la véritable beauté de la poésie arménienne, c'est une beauté de la fierté humaine et de l'avenir. Comme disait Gorki, en Arménie, l'homme, ça sonne fier. Nous tous ici, nous tous là, orphelins, enfants perdus d'être ses enfants à jamais sans mère, nous tous ici des errants dans les bois nocturnes, nous rejetés, nous tous là sur un sol lointain, élan toujours, qui répond, et priant, vers où, qui comprendra, qui viendra nous mener au gîte. De tout cela, il semble que la vie est sans fin. De tout cela, il semble que l'homme a des désirs jamais eus et des rêves non encore vus qui arriveront. Mais seul demeure ceci, que le jour est court et s'assombrit. Tu feras alors en sorte qu'à tes côtés l'homme aille sans tristesse. Je parlais au sujet de n'importe quoi. De n'importe quoi. Hormis de ce au sujet de quoi il fallait parler avec toi. Ou se taire. Et je parlais du quoi, du qu'est-ce. Et j'aurais ainsi parlé longtemps, si brusquement je n'avais regardé tes yeux. Mon Dieu, oh combien ils étaient tristes, combien désespérés, combien amers et noirs. J'ai compris alors que devant ces regards-là, ce qu'il faudrait, c'est crier ou se taire. Vai, vai, Mosejan, it's me, Spanish, vachenumem, yes, amet deruti. Si je comprends bien, Monsieur Babayan, il y a eu une sorte d'union et un enthousiasme général autour de cette initiative. Oui, c'est certain, parce que cet opéra-là est cher à tous, et l'occasion était rêvée pour pouvoir faire quelque chose qui était différent de ce qui avait été fait jusqu'à présent dans la colonie arménienne. Mais alors, cet opéra a-t-il été réalisé en langue arménienne ou en langue française ? Cet opéra a été réalisé intégralement en langue arménienne. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que parmi les choristes, parmi lesquels se trouvent pas mal des Français, ont été obligés d'apprendre phonétiquement cet arménien qui pourrait être complètement étranger. Il y a une sorte de mécénat arménien qui s'est créé autour de cette initiative. Oui, obligatoirement, parce que personne n'est pour ignorer que pour créer un opéra, il est évident que des moyens matériels très importants doivent être engagés, et il ne vient à l'esprit de personne de pouvoir... ne serait-ce que par les seules représentations, de pouvoir se libérer de toutes les contingences matérielles que l'opéra représente. Nous avons eu l'opéra de Marseille à notre disposition, ainsi que l'orchestre de l'opéra de Marseille, en sa totalité, et M. Génoréac a dirigé cet orchestre lors des représentations. Je crois qu'un effort gigantesque a été réalisé autour de cette création, puisqu'il y a eu au moins 200 costumes qui ont été réalisées. Il y a eu un décor fait par M. Azat, et M. Gazerian, qui est un industriel de la région, a lui-même donné, fourni la matière pour ces décors. Et vraiment, ça a été un enthousiasme de toute la colonie arménienne de Marseille. La presse, la radio, la télévision ont aidé à cette création. Je pense que c'est une chose unique en France. Monsieur Georges Combes, pourquoi avez-vous eu envie de monter Anouche ? J'ai abordé Anouche très simplement, comme l'a dit Monsieur Babaïan, pour complaire au groupe Aïa Rinouche. C'est en travaillant ce premier acte que j'ai eu en fait la révélation de la partition d'Anouche. Cette partition, je ne la connaissais qu'à travers un enregistrement, mais son véritable esprit, sa révélation même de l'œuvre, m'est venue uniquement par l'étude de la partition. La partition de Tigranian est très belle, elle est belle sous plusieurs aspects, elle est belle évidemment sous simplement par son aspect musical. Tigranian est un vrai musicien, il est inspiré aux sources d'ailleurs de la musique occidentale. Nous avons, M. Réac pourrait le dire aussi bien que moi, dans Anouche, des quantités de passages, surtout les passages dramatiques, qui sont très très nettement inspirés par la musique occidentale, que M. Tigranian connaît parfaitement. Mais il y a aussi dans Anouche ce charme particulier d'une écriture mélodique qui, elle, découle véritablement de l'âme orientale, de l'âme arménienne, qui est très très près du poème, qui le contourne avec beaucoup d'adresse et quelquefois avec une profondeur absolument extraordinaire, si bien que l'œuvre de Toumanian et de Tigranian forme une unité absolument, absolument parfaite. Quelles difficultés avez-vous éprouvées pour monter cet opéra ? Eh bien, la première, la plus importante, c'était d'abord la fondation, le recrutement, dirais-je, d'une chorale. Il n'était pas possible de monter Anouche avec des choristes professionnels. Il fallait donc des choristes bénévoles qui apportent suffisamment de temps, suffisamment de cœur et d'enthousiasme aussi, pour travailler les 5 actes de cette partition, où la participation chorale est extrêmement, extrêmement importante. Nous avons eu pas mal de mal, le comité et moi, au début, à assurer ce recrutement. Petit à petit, nous avons eu les effectifs suffisants, mais ce ne diminuait personne, que te dire, que nous étions au-dessous de l'amateurisme. Les gens sont venus là avec essentiellement leur bonne volonté, mais sans connaissance musicale spéciale, et ils le supposaient même pratiquement sans voix. Il aurait fallu faire une petite bande magnétique de ce que nous avons appelé des auditions, ce qui était en fait simplement le moyen de classer les voix dans les différents pupitres, et nous aurions là un échantillonnage assez curieux du départ d'Anouche. Eh bien, et ceci est pour moi quelque chose d'extraordinaire, le travail fait en commun pendant 8 mois a fait que ces personnes, ces choristes, qui l'année dernière étaient au nombre de 70, cette année, pour la reprise, nous aurons une chorale qui approchera les 100 exécutants, ce qui est très important, a fait preuve, évidemment, cette chorale a fait preuve d'un esprit extraordinaire. Les gens se sont intéressés à la musique, m'ont posé des questions d'ordre purement technique. Les voix se sont améliorées, sont sorties au fur et à mesure des répétitions, si bien que en fin d'année, nous avons eu une chorale absolument remarquable. Ça, alors je tiens à mettre l'accent là-dessus, qui a fait l'étonnement de tous les professionnels lorsque nous sommes allés à l'opéra, non seulement sur le plan musical, sur le plan vocal, mais encore sur le plan scénique. Et vous-même, Monsieur Réac, quel a été votre sentiment devant cette création ? Ça m'a été un très grand plaisir de travailler avec ce troupe d'amateurs, parce que le travail s'est fait dans une ambiance d'enthousiasme qui est pratiquement inconnue dans les milieux professionnels. Évidemment, le travail a duré beaucoup plus longtemps que d'habitude, ce qui nous a permis d'approfondir certains aspects de cet ouvrage. Il faut le dire que cet ouvrage n'est pas facile du tout à réaliser. Il y a certains passages chromatiques très difficiles à chanter. Et j'étais moi-même étonné d'entendre ces amateurs chanter ces passages qui seraient même d'une difficulté extrême pour des chorales professionnelles. Monsieur Chérikian, pouvez-vous nous parler justement de l'histoire de la communauté arménienne et depuis quand existe-t-elle ? La communauté arménienne de Marseille est une des plus anciennes communautés arméniennes de France. Nous trouvons les Arméniens en France déjà à la fin du 9e siècle, au 10e siècle, sous Charlemagne. Les manuscrits datant de cette époque peuvent être très facilement trouvés dans les archives, mais avant déjà Charlemagne, les Français avaient coutume de citer des noms de saints arméniens. Ceci, évidemment, ne sont pas tellement prouvés, mais il existe des villes où les saints protecteurs de ces villes ont des noms arméniens. Les premiers contacts entre les Arméniens et la France, et Marseille en particulier, se sont déroulés sous Charlemagne, à l'époque où Haroun el-Rachid, le calife, qui était un des protecteurs des chrétiens, s'était mis en rapport avec Charlemagne. Nous avons, pour prouver ce fait, il existe un manuscrit qui est dans le séminaire d'Autun, un manuscrit du Xe siècle. Ensuite, les rapports se sont beaucoup plus rapprochés entre les Arméniens et la France du fait des croisades. À partir des croisades, quand les Français ont mis le pied sur la terre d'Orient, ils ont trouvé pour les protéger les Arméniens qui avaient comme pays, après avoir été chassés par les Turcs de la Haute Arménie, la Petite Arménie, en Cilicie. Donc c'était un refuge pour les Francs, un refuge pour la France, pour toutes les croisées en général, mais en particulier pour les Français. À partir de ce moment-là, les liens furent beaucoup plus étroits entre les Français et les Arméniens. Des mariages se sont faits entre princes arméniens et princesses de la noblesse française. Il est arrivé un moment où ce royaume de la petite Arménie a été confié finalement à un prince de souche française. La maison de Lusignan nous a fourni notre dernier roi arménien, Léon VI, qui, après pas mal de tracas et en ayant été chassé par les Turcs, par les Égyptiens, qui s'étaient unis aux Turcs à l'époque, est venu se réfugier en France et particulièrement il est passé par Marseille, Montpellier et de là sur Paris. Il est allé voir à la cour de France s'il pouvait avoir des secours, s'il pouvait reconquérir son pays. Malheureusement, à ce moment-là, les croisades n'étaient plus tellement à la mode. Il n'obtint aucun appui de la cour de France et finalement il mourut à Paris où il est enterré à Saint-Denis auprès des rois de France. Quand les Arméniens quittèrent la petite Arménie, ils s'établirent principalement soit en Hollande, à Amsterdam, soit dans les grandes villes d'Italie, où ils étaient accueillis beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de privilèges. Richelieu, le grand arménophile, le premier des arménophiles, voyant qu'il pouvait tirer un grand parti de ces commerçants arméniens, leur fit donner des privilèges et essaya de les attirer de toutes ces villes italiennes surtout, sachant que c'était des commerçants de premier ordre, il leur fit donner des privilèges et ces Arméniens vinrent petit à petit s'établir sur Marseille. Après Richelieu, c'est Colbert qui devint un des plus grands défenseurs des commerçants arméniens. C'est ainsi que, après une certaine période de prospérité, on vit arriver pas mal de grands noms arméniens. Parmi ces grands noms, nous pouvons citer Jean Alten. C'était un homme très entreprenant qui avait fait pas mal d'études d'agriculture, voulu introduire tout d'abord le coton en Provence, chose qui n'existait pas tellement. Après plusieurs efforts, après avoir quitté Marseille, il est allé sur Montpellier. Il a eu pas mal de déboires, il s'était marié entre-temps. Voyant que le coton ne voulait pas prendre dans la région, ces plaines n'étaient pas tellement aptes à la culture du coton, il pensa à la garance qu'il avait cultivée dans la province de Césarée. C'est malheureusement bien après sa mort que le succès vient couronner tous ses efforts. Le Vaucluse doit à Jean Alten une prospérité étonnante. Vous avez fait l'historique, en fait, de l'émigration arménienne ancienne. Mais l'émigration arménienne du XXe siècle a commencé à partir de quand ? Je m'excuse, mais je voudrais quand même vous préciser un fait que je voudrais absolument mentionner. C'est la fondation d'une imprimerie arménienne qui est très intéressante pour la culture arménienne à Marseille. C'est l'évêque Oscan qui avait été chargé par le Gatorigos Jacques IV qui est venu s'installer tout d'abord à Amsterdam. À Amsterdam, il est resté 3 ans, il a publié là-bas une Bible et sur l'incitation de Colbert justement, il est venu s'installer, il a été reçu à la cour de France, il est venu s'installer à Marseille où l'imprimerie de Marseille a fonctionné pendant 12 ans. Il y a eu pas mal de tracasseries, je ne voudrais pas épiloguer là-dessus, mais cette imprimerie a fonctionné pendant 12 ans sans arrêt, et ce qui a donné aux Arméniens qui habitaient Marseille une matière de mieux s'attacher à leurs traditions, à leurs églises. C'est après les massacres de 1896 que les Arméniens commencèrent à affluer en plus grand nombre à Marseille. Et après la guerre de 1918, après le traité de Lausanne, alors sans foyer, ayant perdu tous leurs biens, c'est en 1923 que les Arméniens commencèrent à affluer en très grand nombre sur la terre de France, cette France si hospitalière qui avait bien voulu accueillir tous ces Arméniens. À l'heure actuelle, on compte combien d'Arméniens à Marseille ? Eh bien, sur Marseille, nous pouvons dire que nous avons à peu près une communauté de 40 000 Arméniens. Qui est réparti soit dans la ville principalement, soit dans toutes les banlieues. Tout à l'heure, vous avez cité les banlieues à Paris d'Alfortville. Ici, nous pouvons donner 6 ou 7 banlieues qui sont très florissantes, qui ont chacun leur église, leur salle de fête, leurs écoles pour le jeudi, pour les petits-enfants. Et cette colonie, maintenant, a changé tout à fait d'aspect. Ce ne sont plus les émigrants que nous avons connus à leur arrivée en 1923. L'Arménien est épris de culture. Il veut que ses enfants soient des universitaires. Et nos universités à Marseille sont pleines de jeunes Arméniens d'origine, car ce sont des Français en fait, mais qui aiment garder leur entité, qui sont, s'ils sont Français véritablement, ils sont aussi bien Arméniens. Si je prends mon cas personnel, et j'en suis à la 3e génération, puisque mon grand-père est venu de Perse, ma mère est venue de Turquie, ma grand-mère est venue du Caucase, enfin de Géorgie, et par mon grand-père, nous sommes donc en France depuis la fin du 19e siècle. Je crois que quand même, au bout de tant d'années, nous sommes quand même sensibles à la culture arménienne, à une certaine forme de vie que nos parents nous ont transmis. Enfin, je crois. Et je crois qu'il n'y a pas de raison que les jeunes Arméniens n'y soient pas sensibles. Vous pensez donc que cette originalité doit être sauvegardée, même pour, enrichir votre qualité de française? Je crois, de toute façon, la culture arménienne peut, dans la mesure où elle est faite d'originalité, elle peut effectivement nous permettre de participer à la vie française et apporter notre contribution et à la vie et à la société française d'une façon ou d'une autre. Je pense que, en ce sens, c'est une expérience intéressante pour un jeune Arménien. Monsieur Tosbat, pourquoi avoir choisi de vous exprimer en français ? D'abord, il faut dire que, natif du Liban, je suis né dans ce pays. Dès le début, l'instruction et l'éducation étaient françaises. Jusqu'à présent, ça continue d'ailleurs. Alors, tout normalement, j'ai fait mon instruction en français. J'ai fait mes études en français. Et j'ai choisi la langue naturellement. Jusqu'à présent, mes enfants aussi parlent français, vont dans des écoles françaises. Mes petits-enfants vont dans des écoles françaises. Donc, il y a une continuité. Nous abordons cette interview par cette question, parce qu'il frappe chez la colonie arménienne au Liban, c'est son trilinguisme, si je puis dire. C'est tout à fait exact, parce que d'abord les Arméniens qui sont venus ici après la Première Guerre mondiale se sont adaptés immédiatement au système éducatif libanais qui était le système français. immédiatement, dès que la colonie s'est organisée, elle a ouvert ses propres écoles communales pour commencer, pour aboutir au bout d'une quinzaine d'années à l'installation de collèges très florissants et de très nombreux collèges qui préparent aux écoles, aux études secondaires. Alors, ces écoles, ce sont naturellement, avec les changements survenus dans le domaine politique et dans le domaine national, se sont adaptées au programme libanais, de sorte que l'élève ou l'étudiant arménien d'aujourd'hui est trilingue, ou d'abord français, libanais arabe, ou anglais. Il y a une des trois langues. Et l'arménien, nécessairement, maintenant, avant, obligatoirement, maintenant, facultativement, mais également obligatoirement, dans les écoles arméniennes, en cours extra. Alors, l'élève arménien doit faire son programme libanais et consacrer 2 heures par jour à l'étude de sa langue, de son histoire, de sa littérature et de l'histoire de la religion. Est-ce qu'il vous est difficile de rester arménien au Liban ? Pas du tout, parce que le Liban a donné toutes les facilités et toutes les libertés, un pays essentiellement démocratique, qui respecte toutes les croyances, qui donne une liberté totale, qui sait respecter la culture, de sorte qu'on est ici choyé à ce point de vue. Il n'y a aucun obstacle à ce que l'instruction, l'éducation, la civilisation, les traditions arméniennes se développent ou se conservent. Et comment réalisez-vous cette synthèse de différentes civilisations et cultures ? Moi, je crois que nous ne trouvons pas aucune difficulté. La question ne s'est pas posée. Nous n'avons pas cherché à savoir comment cette superposition devenait réalisable ici. Nous jugeons le fait. Cette superposition existe et je ne crois pas qu'il y ait n'importe quel phénomène qui puisse un jour le stopper. L'intégration proprement dite d'un Arménien au Liban. L'intégration dans le sens strict du mot n'est pas encore réalisée, c'est certain. Mais à la longue, nous conserverons, nous sommes intégrés sentimentalement. Il n'y a pas un Libanais, un Arménien d'origine libanaise, parce que nous les appelons comme ça maintenant. Nous nous appelons Arméniens d'origine libanaise, ou plutôt Libanais d'origine arménienne. C'est plus juste, la deuxième formule est plus exacte. Alors, nous nous sentons à 100% Libanais, tout en conservant nos attaches culturelles, religieuses et traditionnelles avec notre race. La race est très belle, la langue est très belle. Notre religion est une religion très libérale, alors il n'y a pas de raison qu'il y ait un heurt, voyez-vous, entre nos sentiments libanais et notre attachement à notre tradition, à notre civilisation, à notre langue, à notre culture, à notre religion. En ce qui concerne le pacte arménien, proprement dit, c'est-à-dire le pacte qui est retransmis et qui n'est pas écrit, je m'explique, vous obligez presque vos enfants et vos petits-enfants à parler arménien. Est-ce que cela est une manière de conserver votre civilisation ? À combien de temps pourra-t-elle durer ? Nous allons continuer, vous savez, à essayer de garder nos enfants, nos petits-enfants, attachés à nos traditions, à notre civilisation. Cette pratique durera autant que nous durerons, autant que dureront nos descendants. Mais je crois qu'avec le développement des relations entre l'Arménie soviétique, qui est arrivé à un point de culture extraordinaire, le phénomène durera. Parce que qu'est-ce que c'est que ces traditions et cette civilisation ? Ça constitue pour nous une richesse. La remontée aux sources permet de développer une race. Et je ne crois pas d'ailleurs, je sens moi-même le phénomène dans ma propre famille. Mais moi je suis né ici, mes enfants sont nés ici. Eh bien, ils conservent peut-être moins d'attaches que moi avec nos traditions et notre civilisation et notre culture, mais le lien continue. Quand j'ai rencontré, Monseigneur, différents leaders politiques arméniens ou simplement des citoyens libanais mais d'origine arménienne au Liban, leur lien de solidarité étant évidemment la langue arménienne. Est-ce que la religion l'est également ? En grande partie, c'est vrai, parce que Nous avons trois communautés arméniennes. La communauté arménienne orthodoxe ou apostolique, comme nous le disons. Il y a la communauté arménienne catholique et il y a la communauté arménienne évangélique. Mais ce sont des petites communautés, les communautés catholiques et évangéliques, et la majorité des arméniennes sont membres de l'Église orthodoxe ou apostolique. Mais à part ces distinctions confessionnelles, le lien spirituel est maintenu dans les trois communautés parce qu'elles partagent le même héritage chrétien dans l'histoire. Donc cette Église est le témoin de cet héritage et en tant que telle, cette Église a un rôle pour maintenir encore cette identité et solidarité sur le plan religieux. Pensez-vous que les Arméniens s'intègrent au Liban ? Et s'ils le font, ce serait grâce à quoi ? Tout d'abord grâce au temps. Ça veut dire que quand il y a une nouvelle génération qui est née dans ce pays, l'intégration devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus intégrale. Je viens de lire ce matin même un petit livre écrit par l'un de nos catholicos, n'est-ce pas, en 1936, où il disait que les Libanais ne doivent pas être fâchés si les Arméniens ne parlent encore bien l'arabe, parce qu'ils se souviennent. C'était une génération qui se souvenait. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui vit sa vie avec le rythme purement et simplement libanais, avec une couleur arménienne, et je pense que cette couleur ajoute quelque chose à ce mosaïque qu'est la beauté du Liban. Moi j'aime tant les floraisons, et tiens de maman les yeux simples, et peuples aussi vos prunelles comme des fleurs me regardant. Moi j'aime tant l'étoile vive, et tiens de maman vois les yeux, et peuples aussi vos prunelles dont le sourire est d'une étoile. Moi j'aime tant les floraisons, et tiens de maman les yeux calmes, et peuples aussi vos prunelles dont le sourire est de maman. Chacun de ses cheveux blancs, tiens, est cimetière d'un printemps, moi qui voulais qu'elle vécût comme son peuple, infiniment. Le dernier chant dédié à l'Arménie est terminé. Mais le sont-ils tous? Tout ici-bas un commencement et une fin, mais le peuple et ses chansons ne sont-ils pas infinis? Voilà ce que Gevorg, surnommé Emin, fils du vigneron Grigor du village d'Atcharak et de la fileuse Aroussiak de la province de Gortan, fils du peuple arménien tout entier, qui ne vous a dit que ce qu'il a lu dans les vieux manuscrits et les livres modernes, que ce qu'il a entendu de la bouche de ses aïeux et vu de ses yeux, et qui charge les poètes futurs de l'Arménie de continuer ses chants éternels comme la marche de son peuple, à travers les souffrances, au devant du bonheur, éternel comme la vie. Thank you. Aujourd'hui, tu viens d'avoir juste tes 17 ans. 17 ans. Si Dieu ne nous abandonne pas, la chance te sourira. Béni soit son nom. Gloire à sa puissance. Gloire, gloire, c'est vite dit. Il n'est pas très miséricordieux ni très charitable envers nous. Il est très miséricordieux pour tous. Mère, ce soir encore, lorsque je faisais ma prière, le Christ m'est apparu. Tu le vois tous les soirs, toi. Tous les soirs. Tous les soirs. Que je sois sacrifiée au nom de sa puissance. Il disait, vous êtes des pécheurs. Priez, pauvres pécheurs. Priez, priez sans cesse, nuit et jour, priez. Punis-moi, Seigneur. Punis-moi si j'ai commis quelque péché. Tu crois que tu n'es pas assez punie, malheureuse. Relève-toi, mon enfant, relève-toi. Tu as suffisamment prié, supplié Dieu. Il faut toujours se prosterner et adorer le Dieu juste. Oh, s'il avait été juste, il ne nous aurait pas plongés dans cette misère. Mère, ne blasphème pas. Je finis de coudre ce bouton et ce sera prêt. Tu pourras mettre ta robe aujourd'hui même. Maman? Qu'y a-t-il, mon enfant? Dis-moi. J'avais quel âge quand, pour la première fois, je suis tombée évanouie? Laissons ça, ma fille, pourquoi en parler? Maman, je n'ai rien d'autre de quoi parler, moi. Dis, quel âge j'avais quand Dieu m'a puni? 6 ans. 6 ans. 6. 17 moins 6, ça fait combien? Attends que je te dise. Ça fait 11 ans que tu es malade. Ça fait 11 ans que je suis malade. Oui, 11 ans. Maman, tu ne m'aimes pas. Encore tu dis ça? Pourquoi ce doute qui est entré dans ton cœur? Ah oui, mère, tu ne m'aimes pas. Père non plus ne m'aime pas. Et lui? Lui, dans le ciel, il y a longtemps qu'il me hait. Je ne sais pas pourquoi je vis, pour qui? Calme-toi, mon enfant, reprends tes sens. Oh, calme-toi, calme-toi. Il a dit vrai. Le feu est tombé ici. Il me brûle, nuit et jour. Oh, si je pouvais être réduite en cendres. Que deviennent poussière les méchants et ceux qui font du mal, mais toi, en quoi as-tu péché? Toute la journée jusqu'à minuit, tu ne fais que prier Dieu. Ça ne suffit pas? Du moment qu'il ne t'aide pas, pourquoi veux-tu qu'il te réduise en cendres? Maman, tu ne cesses de te lamenter, de te révolter contre Dieu. Attention, il va nous faire souffrir encore plus. S'il doit torturer quelqu'un, que ce soit moi et non pas toi. Pourquoi te le cacher, mon enfant? Du jour où le malheur t'a frappé, ma croyance s'est trouvée ébranlée. Et je commence à penser que Dieu n'existe même pas. Mais si, maman, Dieu existe. Il existe. Où est-il donc? Pourquoi ne nous entend-il pas? Pourquoi? Chut, maman. Écoute. Ah, tu vois. Il est fâché, il est furieux. Oh, pardon, Seigneur. Pitié, Seigneur. Seigneur, ne punissez pas ma mère. Punissez-moi. C'est moi qui suis coupable. C'est à cause de moi qu'elle a blasphémé. Oh, j'ai perdu la tête. Je ne sais plus ce que je dis ni ce que je fais. Bon, allez, ça suffit. Lève-toi. Allons. Allons. Je ne dirai plus rien. Il est encore plus furieux. Ah, puisqu'il en est ainsi, qu'il s'irrite contre moi. Seigneur. Miséricorde pour ma mère. Seigneur, que ta colère me foudroie. Éloigne-toi, là, la foudre que ta colère. Qu'il en soit ainsi, c'est là tout ce que je désire. Tiens. Tiens, tu as vu. La foudre est tombée sur le toit voisin. Le mûrier s'est écroulé. Éloigne-toi, éloigne-toi, je te dis. Laisse-moi, laisse-moi. Je veux mourir. Elle a complètement perdu la tête. Qu'est-ce que je peux faire? Que faire? Alors arrive, punition céleste. Anéantis-moi, pauvre maîtresse. Délivre-moi de ces mots et pitié de moi. Frappe, frappe, frappe-moi, je t'en supplie, je t'implore. Ah, tu ne m'entends pas, tu ne veux pas. Alors fais-moi souffrir autant que tu le peux. Ah. comme un oiseau, le cheval ailé. L'écume de sa bouche s'éparpille dans le vent, il était furieux. Il massacrait tout. Oh, viens, frère Daniel, viens me sauver. Le ciel est courroucé contre la terre. Satan est effrayé. Les anges massacrent les méchants sur l'ordre de Dieu. Pourquoi es-tu venu, malheureux, par cette terrible épouvante? Il n'y a pas d'épouvante pour le lion Daniel, ni foudre, ni grêle. Relève-toi, mon enfant. Je suis porteur d'une nouvelle pour ta mère, d'une bonne nouvelle. Tu as de la chance, Chouchane, ma sœur. Allons, Sonia, lève-toi. Lève-toi et mets ta robe. Ta plus belle robe, ma jolie fille. Quelle bonne nouvelle peux-tu bien apporter en ce triste jour, frère Daniel? Va, va, va, va, Sonia. Ta mère te le dira après. Allez, va. Va dans la pièce à côté. Ils devaient se mettre en route, ma sœur Chouchane. L'orage les en a empêchés, mais dès que la pluie cessera, ils viendront. Oh, je n'en crois pas mon bonheur. Le lion Daniel ne ment jamais, ne commet pas de péché. J'ai vu, de mes yeux vus, j'ai entendu, de mes propres oreilles. Ils vont venir, ils la verront. Elle leur plaira, ils donneront leur parole, ils la prendront, la fianceront. Hey, Violette, sois joyeuse. Mourat t'a rencontré en allant en pèlerinage, il t'a aimé. Il n'a plus de sommeil la nuit, plus de repos le jour. Je le sais bien, moi. Le lion Daniel connaît bien des choses. Alors, presse-toi, mère bienheureuse, et fais les préparatifs. Alors, c'est vrai. Qui va venir? Combien de personnes? Tiens, voilà. La veuve de mon frère. Zarnichan l'a desséché, d'une. Puis son fils aîné, Karabet le boiteux, et de deux. Et puis la femme de celui-ci, Javahir la méchante, et de trois. Tu as suffisamment de sièges? Des chaises, il y en a, frère Daniel. Mais dis-moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur offrir? Une tasse de thé à chacun, un peu de confiture et un petit verre de liqueur, ça suffira. Tu as compris? Je n'ai pas de sucre. Il y a du thé, mais je n'ai aucune liqueur. Tu n'as pas d'argent non plus? J'en ai un peu. Je vais aller chez l'épicier. Alors fais vite, l'averse a cessé. Ils vont bientôt être là. Je vais aller voir. Dès qu'ils sortiront de la maison, je courrai te prévenir. Eh, bonnes gens, écartez-vous. Applaudissez, dansez. La chance enfin va sourire à ma Violette. Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est? Chut, c'est une flûte! Tu le sauras plus tard. Tiens, tu entendras de ce coin. Et n'aie pas peur. Je n'apparaîtrai pas à leurs yeux. Zarnichan ne m'aime pas. L'enchanteur arrive! Éveillez la place! Sonia! Sonia! Oui? Presse-toi, enlève les vieux coussins, mets-en des neufs. Et puis lave-toi la figure avec du savon doux et mets ta robe neuve. Vite, vite, vite! Mais qu'est-ce qui arrive? Écoute, mon enfant. Tu te souviens la fois que nous avons été en pèlerinage au tombeau de Saint-Georges? Quoi? Le pèlerinage de Saint-Georges? Je ne me souviens pas. Tu oublies tout. Écoute. Ce jour-là, nous avons rencontré en chemin un groupe de pèlerins. Il y avait parmi eux un cavalier qui s'est approché plusieurs fois de nous et nous a parlé. Ce cavalier était le fils du frère de Daniel. Bon. Et alors? Tu lui as plu. Et aujourd'hui, on va venir de sa part pour parler mariage. Peut-être Dieu va-t-il enfin nous épargner. Maman, c'est moi que l'on va fiancer? Évidemment, c'est toi. Pas moi, bien sûr. Et ils le savent, maman, que je suis malade? Qu'ont-ils besoin de savoir? Ah non, maman, c'est impossible, je ne peux pas faire cela. À peine la chance te sourit-elle que tu veux aller contre? Maman, c'est un péché, s'ils apprennent que je suis épileptique, ils ne mettront pas les pieds chez nous. Ils ne le sauront pas. Daniel a juré sur l'âme de sa Violette qu'il n'en a rien dit. Mais moi, je le dirai, maman. Tais-toi, tu veux ma mort? Ils apprendront bien après mon mariage que je suis épileptique. Après ton mariage, tu ne t'évanouiras plus. Je ne m'évanouirai plus? Bien sûr. Et c'est pourquoi je veux te donner le plus tôt possible à un homme. Tu dis qu'après mon mariage, je ne m'évanouirai plus? Oui, je le dis. Ah, maman, parle plus clairement, je n'y comprends rien. Ma fille, il y a des choses dont on ne peut pas parler. Mais moi, je veux savoir, maman, je veux tout savoir. Ah, tu m'ennuies à la fin. Eh bien, écoute. Ton mal, tu ne pourras t'en défaire qu'en allant avec un homme. Là, tu as compris maintenant? Où ai-je mis mon sac? Ah, voilà, j'ai trouvé. Maman, tu dis la vérité ou tu me trompes? Je te jure, sur ton âme, que je ne mens pas. Tous les vieux du pays me l'ont assuré. Tiens, la fille d'Antaram le Boiteux, elle était comme toi. Dès qu'elle s'est mariée, son mal a cessé. Tu guériras, petite. Tu guériras. Ah, oh, Seigneur, grande est ta puissance. Tu peux tout faire. Bien, maman, bien. Femme, j'ai soif. Ah, te voilà l'homme. Heureusement que tu n'es pas saoul. J'aurais mieux fait de crever que d'être lucide. Alors qu'est-ce qui se passe pour que tu sois si joyeuse? Je te le dirai, prends patience. C'est une bonne chose qui nous arrive. Une bonne chose? Qu'est-ce qui peut arriver de bien puisque j'ai le gosier tout sec? Tu le mouilleras bientôt. Aujourd'hui, tu en as le droit. Je reviens dans quelques instants. Si des invités viennent, reçois-les convenablement. Quoi, des invités? Bah, en attendant, il faut que je trouve... rien de rien. Y a rien. Bonjour, père. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as mis une nouvelle robe? Oui, père. C'est bien. Elle te va bien. Il faut te féliciter, Sonia, n'est-ce pas? Je te remercie, père. Tu me remercies comme ça, tout sèchement. Que veux-tu, père? Ça. Je n'en ai pas, père, je n'ai pas de ça. Je sais que tu n'en as pas. Mais de l'argent, tu dois en avoir. Père, je n'ai pas d'argent non plus. Tu mens, ma petite Sonia, tu mens. Tu sais que ce n'est pas beau de mentir. Je sais, père, mais... Et il n'y a pas de mec qui tienne. Montre-moi la cachette où ta mère met son argent. Père, ni moi ni ma mère n'avons de l'argent. Allons, fais vite. Dis où elle l'a mis. Oh, père, bois moins et pitié de nous. Avoir pitié de vous. Vous avez pitié de moi, vous deux, mère et fille? Ça fait 3 jours que je n'ai pas bu, tu comprends? 3 jours et 3 nuits. Allons vite, si je ne bois pas aujourd'hui non plus, je vais devenir fou. Père. Père, père, en quoi suis-je ton père? Le chien, le chat, une souris ont plus de valeur à tes yeux que moi. Tu ne m'aimes pas. Ne blasphème pas, père. Je t'aime, je le jure sur ton âme. Assez. Je n'ai pas d'âme. Il y a beau temps que mon âme, à moi, est dans les ténèbres. Allons, dis-moi où se trouve l'argent. Hein? Sinon, tu vois ça? Mon Dieu, ne me frappe pas, avec pitié. Je frapperai si tu ne parles pas. Allons vite, relève-toi. Montre-moi où. Sinon, gare-toi. Puisque c'est ainsi, frappe, père. Frappe-moi, frappe. Mais de sorte que je ne me relève plus. Maudite sois-tu, diablesse. Mes yeux sont tout brouillés. Debout, toi, debout. Dieu lui-même t'a déjà frappé. Alors c'est comme ça, ma propre fille, mon unique enfant, ne comprend pas ma douleur. Voilà, personne ne comprend ce qui se passe là-dedans, quand je suis saoul. Que faire, mon Dieu? Il n'y a rien que je puisse mettre en gage ou que je puisse vendre. Sonia. Sonia, aie pitié de ton père. Aie pitié. C'est pour la dernière fois, crois-moi, la dernière fois. Père. Ah non, non, non, ne dis rien, tu ne m'épargnes guère. À quoi bon? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre issue. Pas d'autre issue. Il ne reste que ça. Ce clos est solide. Il me supportera. Ce mouchoir aussi est solide. Oh, père, que fais-tu là? Rien, mon enfant, rien. Tu verras. Père, laisse cela. Oh, laisse. Il n'y a plus rien à laisser. Ça suffit tout ce que j'ai vécu et souffert. Laisse, je te dis, descends. Je ne veux plus vivre. Je ne veux pas. Ah bon, bon père, je te dirai où se trouve l'argent, je te le dirai. Oh, tu me donnerais de ta propre main une pièce d'or que je ne la voudrais pas. Tu m'as fait assez souffrir. Oh, si l'on est ainsi, il vaut mieux que ce soit moi qui me pende. Alors, je ne me pendrai pas. Allez, descends. Descends! Sonia. Sonia, montre-moi où est l'argent. Hein? Montre-moi. Ah, c'est là! Je pensais bien aussi que ça devait se trouver là. Mais où est l'argent? Je ne vois rien. C'est là, dans un sac rouge. Dans le sac rouge? Bien! Ah, voilà! C'est pas beaucoup, mais ça suffira pour aujourd'hui. Merci, ma petite fille, merci. Tu as sauvé ton père. Ne crains rien. À la place, je mettrai des pièces d'or. Je ne fais qu'emprunter. Hein? N'en dis rien à ta mère. Oh, voleur! Voleur! Où te sauves-tu? Lâche-moi! Je ne lâcherai pas. C'est là le travail de ta pauvre fille. Toutes les nuits, elle a veillé pour tricoter des bas que j'allais vendre dans les maisons voisines. J'ai mis de côté sou par sou. Je ne te laisserai pas. Pour que tu ailles le boire. Te laisse, je te dis. Ils viennent. Attrape-le, frère Daniel, ne lâche pas. Hein? Non, ne te chauffe pas comme ça. Il a volé l'argent de Sonia. Reprends-lui. Donne. L'argent de ma Violette. Va-t'en, fou. Donne, je te dis. Autrement, je vais t'entourer le cou de serpent. Bon. Prends. Vous n'avez pas plus de cœur qu'un rocher. Va, Daniel, nous acheter avec ça du raki pour les invités. Tout de suite. Vite. Maître Voskan, reste tranquille. Il va venir du monde. Ne fais pas pleurer ma Violette. Tu as dit du raki? Alors, pauvre femme, j'allais pas acheter du vinaigre, moi. Ah, frère Daniel, fais vite, reviens vite. Du raki. Sonia, qu'as tu être pétrifiée sur place? L'animal t'a fait peur. Allez, reprends tes esprits. Oh, reprends tes sens. Tu as mis le samovar à chauffer? Le samovar? Oui. Quoi? Qu'as-tu encore, pauvre enfant? Le samovar. Maman! Qu'est-il arrivé, mon enfant? J'ai peur de lui. Il n'est pas peur, voyons, c'est ton père. Ton père. Non. Il va se pendre, ne le laisse pas faire. Calme-toi, mon enfant, calme-toi. Bon. Laisse-moi. Je vais mettre le samovar. Du raki. Tu aurais bien pu ne pas te ternir un jour comme celui-ci. Ne va-t-on pas fiancer ta fille? Quelle fiançaille? Qui? Avec qui? Avec le neveu de frère Daniel. Avec Mourad Manassan? Tu dis vrai? Tu verras bien. Alors, bonne femme, pourquoi tu ne le disais pas, que je m'en réjouisse aussi? Bien. Mais attends qu'on voit si on peut la lui donner ou pas. Oui, ça peut aller. Oui. Mourad n'est pas un mauvais garçon. Je suis d'accord. Je suis consentant et je donne ma bénédiction paternelle. Mourad est un bon garçon, c'est un commerçant, il a de l'argent. Avoir de l'argent est une bonne chose. Mais qu'il n'en soit pas trop fier, hein? Sinon, je ne lui donnerai pas ma fille. Je crache sur l'argent. Mais parlez-moi de l'honneur. Qui ne connaît Voskan Alban? Bon, ça va, ne te vante pas tant. Je crois qu'ils viennent. Va au-devant. Souhaite la bienvenue. Oui. C'est bien eux. Entrez, les beaux parents. Oh, crétin. Ils ne sont pas encore entrés que les voilà déjà parents. Bonjour. Bonjour. Mille souhaits de bienvenue. Entrez, les beaux parents. Bonjour. Bonjour. Mille souhaits de bienvenue. Entrez, beaux parents. Bonjour. Bonjour, mille souhaits de bienvenue. Prenez place, je vous prie. Tiens, l'eau traverse le plafond. Votre toit est percé. Non, pas. Il est solide, comme tout. Ce n'était pas une averse, c'était un vrai déluge. C'était très violent. Quel coup de tonnerre il y a eu. C'était la carriole de Saint-Joseph. La carriole? Et oui, ma cousine. À cette époque de l'année, Saint-Joseph prend de temps en temps sa carriole et sort dans le ciel pour y faire quelques tours. C'est feu mon père qui le disait. Voscan ne parle pas trop. Maître Voscan, admettons que le tonnerre, ce soit la carriole de Saint-Joseph. Mais les éclairs, alors? L'éclair, ça vient de la pierre à briquet. De la pierre à briquet. Eh oui, quand Saint Moïse veut allumer sa pipe, il frotte son briquet, et c'est comme ça qu'il y a des éclairs. Et la pluie, alors, qu'est-ce que c'est, maître Voscan? La pluie, c'est de l'eau, quoi. Ça tombe. Ce boiteux-là commence à m'ennuyer. Parle un peu moins. Allons, mère. Pourquoi traîner en longueur? Dis-leur pourquoi nous sommes venus. Ta fille est à la maison? Elle est à la maison, cousine. Nous ne sommes pas encore parents. Ah, c'est tout comme. Allons, montrez-la nous qu'on voit ça. Mourad, lui, est connu dans toute la ville. Quant à nous, qu'il nous estime. Voyons un peu votre marchandise. Notre marchandise, c'est une pierre précieuse. Et moi aussi, vous me connaissez. Qui ne connaît le vaillant Voscan? Dans notre ville, s'il y a 5 hommes de bonne réputation, je suis bien de ceux-là. Demandez donc un peu à maître Serge de Madras qui je suis, il saura bien vous dire qui je suis, moi. Sonia, ma fille, apporte du thé pour nos invités. Oui, bien sûr qu'on vous connaît, maître Voscan, mais c'est votre fille qui nous intéresse. Eh bien, vous la verrez tout de suite. Qu'est-ce qu'il a à être en retard, ce maudit Daniel? Il aura qui. Assieds-toi aussi et prends du thé avec nous. Les enfants ne s'assiedent pas auprès des grandes personnes. Ma fille, ta mère dit vrai. Les enfants doivent vénérer les grandes personnes. Bien. Très bien, ma fille. Elle sait parler. Oui, elle n'est pas muette. Alors, tu as vu? Sonia, va voir un peu s'il pleut toujours. La pluie a cessé. Elle marche convenablement. Oui, elle n'est pas boiteuse. Approche-toi, Sonia. Plus près. Voilà. Comme ça. Baisse-toi maintenant. Quel joli châle tu as là. Ah, c'est elle qui l'a tricoté. Retourne à ton travail, petite. Va. Les cheveux aussi sont bons. Ce sont des cheveux de poupée. Qu'est-ce que vous avez à chercher de la petite bête? Vous avez vu qu'elle n'est ni muette, ni boiteuse, ni chauve. Hein? Je vous ai donné une de ces filles. Nous ne l'avons pas encore donnée. Une fille? Vous ne trouverez pas sa pareille dans tout le village. Intelligente, capable. Oui. C'est elle qui fait tout dans cette immense maison. Elle sait cuire de ses plats de riz. On s'en lèche les doigts. Oh, coupe court, l'homme. Et je ne parle pas couture et tricot. L'aiguille à la main, elle fait des merveilles. Père, c'est une fille que voulez-vous trop de louanges rendre fière. En un mot, comme le disaient nos pères, un bon champignon se reconnaît à son pied. Ne sommes-nous pas nous aussi une famille de notables de cette ville? Ah, voilà Daniel, avec la bouteille de raki. Reste à ta place, c'est honteux. Oui, femme, je voulais seulement boire un peu d'eau. Chouchane, ta fille, à la voir comme ça me plaît. Si elle n'a pas d'autres défauts, la marchandise est acquise. À la voir comme ça? Mais elle porte des trésors en elle. Bien ou mal, c'est ça. Alors, qu'en dis-tu, mère? Que veux-tu que je dise? Que Dieu nous vienne en aide. Mais non, dites que Dieu les bénisse et que ce soit fini. Et femme, apporte voir un peu la fine. Oh, tiens-toi mieux que ça. Eh bien, bon. Que Dieu les bénisse. Amen, amen. Voilà. Chouchane, qu'est-ce que tu vas rester là comme ça, comme une statue? Bouge un peu. Sonia, apporte le raki. Oui, Sonia, à moi. À moi, donne-moi la bouteille de raki. La bouteille, ici, la bouteille. La bouteille. Je vais servir. Voilà. Chouchane. Ma sœur. Entre, frère Daniel. Non, je reste dehors. Je sais. Que la chance te sourie. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Non, je m'en vais. Il aime beaucoup Sonia. Il vient tous les jours à la maison. Ne lui prêtez pas trop attention. Sonia, approche, ma fille. Donne ta main. Te voilà fiancée maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu leur soit miséricordieux. Que nous les marions dans la joie. Ainsi soit-il, mon Dieu. Que nous n'ayons pas à le regretter. Qui joue de la flûte ainsi? C'est Daniel. Ça fait 15 ans qu'il n'a pas joué de la flûte. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? C'est pour ma Sonia qu'il joue. Il appelle ma fille Violette. Ah, femme. C'est vrai que ta fille ressemble à la fille de Daniel. Elle lui ressemble beaucoup. Dieu fasse qu'elle ne lui ressemble pas par la malchance. Mon Dieu, comme il joue bien. Comme il joue bien. Moi, je l'ai toujours dit, et je le répète encore, les gens bien doivent toujours faire alliance avec des gens bien. Et ils doivent bien boire, n'est-ce pas? Ah, et toi, tu viens de dire une chose très juste. À ta santé. Tu connais certainement Maître Serge de Madras, cher parent. Qui ne connaît ce fameux buveur? Un jour, il était à... Allons maintenant féliciter aussi Mourad. Allons-y, il nous attend impatiemment. Parent, tu me diras la fin de ton histoire plus tard. Oui, il n'y a pas de mal. Alors, préparez-vous de votre côté. Nous fixerons la date du mariage. Nous sommes prêts. Nous. Que Dieu fasse que nous ne le regrettions pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que Dieu nous garde. Au revoir. Au revoir. Oh, ils ont enfin décampé. Ce sacré Daniel. Il joue si bien qu'on a envie de boire deux verres au lieu d'un. Que grâce te soit rendue, maître du ciel. Gloire à ta puissance. Maman, j'ai le cœur qui bat, la tête me tourne, je ne vois plus clair. C'est la joie, mon enfant, c'est la joie. Joue, frère Daniel, joue. Tu sais si bien émouvoir mon cœur. Thank you. Les samedis de France Culture, La légende arménienne par Ève Grilikez a été diffusée pour la première fois le 9 janvier 1971. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.